Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Émission numéro 52. Vous y croyez ça? Incroyable. 52. C'est fou. Je suis Sartman, spécialiste français, sartois en tout cas, de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de Riley et de Clément. Salut Sartman, comment vas-tu? C'est compliqué, je vis dans une édition. Ça a l'air compliqué encore. J'en chie un maximum, mais on va y arriver. Je vous ai dit que c'était un podcast complètement exceptionnel. Oui, quoi. Oui, oui. Alors là, il est complètement exceptionnel. Nous avons trois invités EES. Mesdemoiselles, bonjour. Merci bonsoir. Beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Il y a Maureen, Rimomo et Enfant Cheval. Voilà, des noms déjà merveilleux qui invitent au rêve. Voilà, exactement, qui font voyager. Et on va dire tout de suite pourquoi vous êtes là, parce que vous avez gagné un concours, Exactement. C'est quoi, t'en fous? Quel beau cadeau, hein. Riley, tu nous expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une soirée au dernier bar avant la fin du monde, et à Paris, et il y a eu un quiz évidemment organisé, et vous avez gagné. Brillamment en plus. Le prix c'était un podcast avec nous, donc ouais. C'est pas une arnaque. Mais c'était une super surprise, hein, parce que en plus, bon, de loin, effectivement, notre équipe était la meilleure. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Mais quand même, effectivement, le lot à la clé a été dévoilé au tout dernier moment. Ça n'a pas de prix, Parce qu'on avait peur que les gens n'aient pas envie de jouer. Clairement, on aurait moins donné de notre personne si on avait su. Donc bravo, donc vous êtes vraiment là. C'est fantastique. Et avant de faire les gros bisous, on fait un gros bisou à la quatrième membre de votre équipe, Kim Reeds, qui aurait dû être là avec nous ce soir, mais qui est souffrante. On lui fait d'énormes gros bisous. Elle est sur le chat. Remets-toi vite. Elle est sur le chat. Un tout nouveau chat d'ailleurs. Ah oui, parce que oui, événement, on est sur Twitch. Ça y est, Twitch. Riley, de quoi on va parler ce soir dans Pourquoi Buffy c'est génial? Enfin, je découvre Twitch, c'est fantastique. Un autre monde, il y a plein de monde. Alors ce soir, au sommaire, ce soir encore un numéro très riche puisqu'on va faire des gros bisous comme d'hab. Vous avez préparé des gros bisous, c'est les gens que vous aimez bien, quoi. Oui. Donc des gros bisous, les gens qu'on aime bien, à qui on a envie de faire des gros bisous. Des gros bisous, voilà. Ensuite, ce sera la rubrique actu de Big Game, justement en direct de l'est de la France. On fera ensuite les commentaires audio de l'épisode Angel. L'épisode Angel, c'est l'épisode 7 de la saison 1. On se parlera donc du personnage de Angel, surprise. De la famille, de la communauté, des traditions vampiriques, de la modernité, des portes, bien sûr. Les portes, c'est trop bien. Pour faire plaisir à Sartman, des dialogues à double sens. Encore un épisode très riche, donc. Ensuite, ce sera la rubrique de votre rubrique, les invités. On va parler de votre relation avec Buffy et tout ça. Ça va durer 3 heures. Ça va les larmes. C'est ça sûr. Pas fini là. Confessions intimes. Ce sera l'épisode 6 de notre série audio Reaper sur la jeunesse de Giles en Angleterre. Et ensuite, ce sera, alors ça, j'ai marqué point d'interrogation parce que la rubrique de Clément. C'est toujours une surprise, on sait jamais trop. Il y en a une. On terminera bien sûr avec si t'aimes Buffy, tu aimes ça, notre rubrique évidemment. Coup de cœur. Si vous avez des recommandations, ce genre de choses. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur Internet. Si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous dites et on y remédie. Le podcast existe également en vidéo sur Twitch, apparemment. Twitch. Oh, le vieux monsieur. Oh là là, il est fatigué. Laissez-moi tranquille. Twitch. Et également Twitch. C'est pas facile à dire. Twitch. Et également sur Dailymotion, parce que vive la France quand même. Et YouTube. Un rappel de notre blog où vous pouvez trouver tous les liens correctement orthographiés. Pourquoi Buffy c'est génial. Wordpress.com, tout attaché, sans accent. Tout de suite, les gros bisous. Timmy's down the bloody well. And if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her yeah, and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Les gros bisous alors. Riley, vous aviez des gros bisous, je crois. On voulait faire des gros bisous à tous ces gentilles personnes qui ont mis des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles. Mais oui, faites ça. Ça, c'est ça, c'est bien, les 5 étoiles. Merci. Donc, gros bisous à Mélanie Fogg, à VVK avec et à Oka Asso. Et merci. Qui nous a mis 5 étoiles. Donc, trop sympa, des messages super sympas. On fait aussi des gros bisous donc à tous les gens qui étaient, vous compris, à la soirée au dernier bar à la fin du monde. Merci. C'était bien. C'était super. Et Buffy avec plein de gens. Voilà. Deux mots sur cette. Alors et un autre gros bisou à Alexandra qui a organisé donc du dernier bar à la fin du monde, qui a organisé cette soirée. On n'avait rien à faire, on s'est juste pointé. On a parlé. Et on a parlé. On a eu une planche. Une planche. C'était assez formidable. Donc merci beaucoup Alexandra. Et oui, et donc comme on l'a dit, durant cette soirée super, on a rencontré plein de fans, on a débattu sur plutôt Spike, plutôt Angel, tout ça, sur l'affaire Whedon, sur plein de choses, sur les costumes, on a parlé de plein de choses, c'était super. Tu avais d'autres gros bisous, Riley, peut-être. Oui, aussi un gros bisou à Marie, qui organise des grandeurs nature Buffy. Oh, génial, c'est quoi? C'est une super idée. C'est des jeux de rôle grandeur nature, donc on fait des soirées. Ah ouais, c'est trop rigolo. Buffy, et que j'ai rencontré à la soirée justement au dernier bar, et on en reparlera trop très bien. Vite. Voilà. On fait un gros bisou à Anne Rice qui nous a quittés. Vous connaissez Anne Rice? Maureen, tu vas dire deux mots peut-être? Ben oui, Anne Rice, quand même, entretien avec un vampire qui nous a quittés. Donc les vampires sont en deuil, on est tous en deuil. On est tous tristes. Anne, qui était quand même la prêtresse de ce monde absolument formidable. Oui, parce qu'il n'y avait pas que entretien avec un vampire, il y avait toute une saga derrière. Ah, mais tout à fait, elle est connue plus principalement pour entretien avec un vampire, mais effectivement, elle a une pléthore de romans à son actif. Donc du coup maintenant on lui dédie un peu cette émission quand c'est pour elle, c'est pour ben, toi. Ben ouais quand même. Gros bisous. Ouais, gros bisous Anne Rice. Gros bisous. Clément, vous aviez des gros bisous ou pas? À Patrick Borg, le comédien qui fait la voix française de Angel, parce que je trouve que c'est un juste retour des choses. Un gros bisou monsieur. Ouais. Gros bisous Patrick. Ouais. Des gros bisous par ici? Moi j'ai un gros bisou pour Benjamin. Gros bisous Benjamin. Et des gros bisous pour Ariane et Astrid. Et un gros bisou pour Jimmy Miguel. Je vous embrasse tous bien fort. Pour moi ça va être un gros bisou à Gros Poulet, Grand Poulet. On peut dire les deux. Un Grand Poulet qu'on adore, hein, on a eu l'occasion de rencontrer. Qui termine les soirées en beauté à chaque fois. Qui sponsorise le retour de tout le monde. Et qui vous n'avez pas encore pu voir, mais qui a fait un qui est-ce Buffy il y a une dizaine d'années, je vous le montrerai tout à l'heure. Ah. Oh là là, il est de toute beauté. C'était Buffy, c'est un qui est-ce? C'est c'est un qui est-ce Buffy authentique. Rubrique jeu, rubrique spéciale. On va y jouer, c'est obligé, c'est sûr. Oui, bien sûr. On y joue en direct. Okay. C'est ça. Un gros bisou aussi à Cindy BCX qui malheureusement a dû se séparer de sa collection et m'en a vendu un petit bout. Et j'en suis très contente. Oh, la pauvre. Je suis triste pour elle, mais je suis contente pour moi. Voilà. Et gros bisou à tous les gens qui écrivent en français sur Buffy. Je regarde Enfant Cheval, hein, par exemple. Un petit clin d'œil. À tous les fans de Buffy, toute la communauté de fans. Et puis, un gros bisou à James Masters et à Tonton James. Voilà. James Masters, ouais. Gros bisous à tout le monde. Ouais. Enfant Cheval, est-ce que vous avez des gros bisous aussi? Oui, moi j'ai quelques gros bisous. Ah, bah oui! Gros bisou à Xavier qui nous écoute ce soir. Ah. Et un gros bisou à Céline et à Marion qui, j'espère, nous écouteront plus tard. Sinon, je vais être super vexée. Tout de suite, c'est la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, right here. Over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. More. That's the prophecy. Five people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, rubrique actu. Donc, comme chaque semaine, on nous renvoie. Chaque semaine. Chaque semestre. Oui, chaque mois. Semestre. Laissez-moi rêver que je fais un podcast hebdomadaire. Laissez-moi. Alors, comme tous les actus fraîches. Comme tous les lundis. Donc, les actus fraîches du Buffyverse par notre envoyé spécial, le fantastique Big M. C'est parti. Ho, ho, ho, ho. C'est le papa Big M avec la rubrique Actu. Toute petite actu côté carrière des acteurs, avec Amy Acker qui a obtenu un rôle dans le pilote d'une nouvelle série dramatique, au titre encore inconnu à ce jour, par la productrice Julie Dirk. Côté comics, on est assez gâté chez Boom Studios. L'éditeur vient tout récemment de publier le premier numéro d'une mini-série intitulée Buffy the Last Vampire Slayer, tournant autour d'une Buffy un peu plus âgée dans un monde post-apocalyptique. Angel revient en janvier 2022 après l'annulation de Angel et Spike après le numéro 16. Il n'est pour le moment pas clair s'il s'agit d'une suite ou d'un tout nouveau départ totalement indépendant. Bloody Fool for Love est le titre d'un nouveau livre écrit par William Ritter. Annoncé pour le mois d'août 2022, il s'agit là du premier livre d'une série de préquels centrée sur le personnage de Spike et édité chez Disney Hyperion. Et c'est maintenant déjà le moment du point convention. Big Bad Convention ont annoncé un nouvel invité pour leur événement Back to Sunnydale de mars 2022. Ainsi, Harry Gruner, alias le maire de Sunnydale, Richard Wilkins III, vient rejoindre la guest list. Attention, Gruner est un extra guest, et donc pas compris dans les passes de base, à l'exception du pass VIP. La convention présentera beaucoup d'extras inédits, tels que la possibilité de se faire filmer pour notre usage privé avec l'un des acteurs en lui donnant la réplique, ou encore un workshop avec le scénariste et producteur David Greenwald afin d'apprendre les secrets de l'écriture d'une série. C'est très prometteur. Et comme nous fêtons les 25 ans de la série l'an prochain, une nouvelle convention fait son apparition. C'est Slay the Vampires 4 New Generation de chez CloudScone. L'événement est prévu à Paris pour les 15 et 16 octobre 2022. Le lieu exact reste encore à déterminer. D'ores et déjà deux guests sont annoncés, avec l'incroyable James Masters et la charmante Robbie Ascott. Et voilà, en attendant de pouvoir vous apporter encore plus d'actualités autour de notre série préférée, je vous souhaite à vous, mes chers coéquipiers, et à vous, chers auditeurs et fans, un très joyeux Noël et une bonne année. C'était Tonton Big M. Et oui, à toi aussi, tout nouveau, mon petit Big M. Merci Big M. Merci pour cette rubrique actuelle. Donc Big M, tu m'offres Buffy the Last Slayer Vampire. On est d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ils veulent s'offrir des BD entre eux. Donc oui, oui. On va pas offrir à tout le monde. Non. La série toujours au top de l'actu, des comics, des conventions. Il se passe des choses. C'est assez génial. Deux conventions Buffy dans l'année. À Paris. On est gâté. On est gâté. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour le cœur vous en dit, parce que il y a du guest sympathique, hein. David Greenwald et le maire aussi, un atelier, ouais. Avec David Greenwald, on se fout pas notre gueule, c'est une série avec pas David dégueu. Greenwald, ouais, ouais. C'est pas dégueu. Tout de suite, la rubrique l'épisode du jour, la meilleure rubrique. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. Well, what do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Alors, gros morceau ce soir. L'épisode du jour. Yeah. Donc, Angel. Épisode 7 de la saison 1, alias Angelus en VF. La VF aime bien faire des choses différentes, toujours. Il a été diffusé pour la première fois le 14 avril 1997. Et petit fun fact, c'est le jour des 20 ans de Sarah Michelle Gellar, dis donc. Incroyable. Écrit par le fameux David Greenwald, donc, qui sera à Paris au mois de mars, et réalisé par Scott Brazil. David Greenwald, en plus de faire tout ça, c'est lui qui va être le co-créateur de la série Angel par la suite, avec Joss Whedon. Donc, c'est un peu le spécialiste de ce personnage. C'est lui qui écrit cet épisode, ouais, tout part de cet épisode-là. Exactement. Riley, vous avez des choses à ajouter peut-être sur David Greenwald et Scott Brazil aussi. Brazil, c'est un nom comme ça. Est-ce que vous vouliez faire des blagues avant, quoi, sur Scott Brazil? Brazil. Brazil, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est tout. Okay. Et bah, figurez-vous, voilà. Qu'il est forfait. Et bah, il est décédé. Voilà. Ah, super. Non. Brazil. Malheureusement. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Bref, c'est un réalisateur confirmé qui a travaillé sur Alerte à Malibu. Figurez-vous, on devrait faire un podcast dessus. Okay, ouais. Et dans les années 80, il travaillait sur Hill Street Blues, qui est une Captain Furio, qui est une série très connue. Et surtout, et ça c'est, j'adore, il a travaillé après Buffy sur en tant que producteur et réalisateur de la série The Shield, série policière. Okay, ouais. Où justement il y a plein de plans, on suit de dos des flics dans la rue, et là ce soir, on va en reparler à l'intérieur, mais il y a plein de plans où on suit de dos, peut-être c'est un tic entre guillemets, hein, ou une signature, un bon tic, de ce Scott Brazil, et il a réalisé qu'un seul épisode de Buffy, voilà. Mais pas des moindres, quand même. Un petit pitch quand même. Ah, je vais pas nous laisser comme ça. Ah, parce que tu nous as parlé de Scott, oui, t'as fait des blagues sur son pays, tout ça. Mais sur son pays, rien à voir. On est en attente. Qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? J'ai préparé un petit pitch. Bah, vrai. Comme d'habitude. 16 avril 1997. Cher journal, cela fait maintenant quelques jours que je ne t'ai pas ouvert. Il faut dire qu'il s'est passé des trucs de fou. Déjà, Alex va mieux, même s'il a encore du mal à encaisser le fait d'avoir failli manger le principal flûti. Will est toujours amoureuse de lui, mais elle n'ose pas lui avouer ses sentiments. Et elle préfère réviser. Ce matin, elle m'a encore fait bosser les cours d'histoire en vue de l'examen qui arrive. Je préfère encore embrasser un vampire plutôt que de voir cette vieille bique qui nous parle de guerre de succession et de succession, et de reconstruction. Succession, très bonne série aussi. Bien, hein, mais... qui nous parle de cette guerre de succession et de reconstruction. Reconstruction de quoi, au fait, hein? Et justement, en parlant de bisous, j'ai enfin embrassé mon crush. Ah. Ah. Super moment. Ahmed. Sauf que, ah, surprise. Ahmed. C'est un vampire. Ahmed. Ah, surprise, c'est un vampire. Oui, oui. Meuf, dans quoi tu t'es embarqué avec ce mec? On a juste 224 ans de différence d'âge. Un peu flippant, cet ange. Tu m'étonnes. En même temps, il est canon et son regard pénétrant. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je pense que ça finira mal. Bref, ça serait trop long à raconter. En plus, il y a tonton Giles qui m'attend pour un entraînement. En fait, tu sais quoi, cher journal? On devrait trop faire une série sur ma vie. Bravo. Le pitch, bravo. Petit pitch. Alors, donc oui, pitch très très sympa. Oui, il était beau celui-là. Du coup, tu t'es pas foutu de la gueule de nos invités parce que. Oui, parce qu'on a vraiment c'est un peu la merde. C'est pas ça, oui, on peut s'en passer. Là, non, quoi. C'était un pitch. T'es rentré dans le personnage. Bravo, et Riley, beau boulot. Gros bisous à Big Game. Un peu méta quand même, histoire 2. Un peu méta. C'est l'heure, hein, il est l'heure, regardez, c'est il est 21h04. On est bon. C'est l'heure de lancer l'épisode. Alors attention, on est 6, c'est de la technique, sur Twitch. Est-ce que les gens sur Twitch sont prêts? Parce que je n'ai aucun visuel sur le chat. Est-ce que vous êtes munis? Est-ce que vous fichez de votre télécommande, de votre souris? Parce que oui, ils sont sur Twitch, donc j'imagine. Il y a du monde sur Twitch. Hein. Ils sont avec des souris, quoi. Parce que c'est bah sur... non, c'est Twitch aussi. C'est sur les ordinateurs. Écrivez sur Twitch. Bien sûr. L'univers, l'aventurière qui nourrit, zombie. Alors attention. Un gros bisou à tout le monde déjà. Oui, gros bisou au chat. Et attention, je lance l'épisode dans 3. Ah, sur téléphone, ouais. 2. 1. Top. L'épisode est lancé. Et c'est parti, il y a un preview film. Premier preview film. Il a dit top. Il n'y a jamais de preview film normalement dans Buffy. Important. Buffy jusqu'à présent, c'est un formula show. Toutes les semaines, l'histoire recommence, c'est une nouvelle histoire, donc c'est pas trop du feuilletonnant. Mais là, complètement exceptionnellement, il y a un preview film pour nous introduire un personnage qu'on connaissait pas trop et qui est d'ailleurs très bien résumé par une phrase de Xander. But where guy who warned her about all the vampires, le gars bizarre qui la prévient au sujet des vampires. Et oui, on va parler d'Angel. Et là, c'était le premier prologue. Et oui, parce que Angel va être le personnage principal de cet épisode. Et d'ailleurs, on le s'est confirmé par cette première scène. On commence chez les vampires. C'était un épisode de point de vue d'un vampire. Donc, on est chez les vampires. Voilà, Darla qui vient dire au maître que ça va pas. Et le maître qui dit The Slayer takes him. As she taken many of my family. Il y a un vampire, ah, voilà, allez, moquez-vous, voilà, j'ai mal prononcé. Et voilà, il y a un vampire qui est mort. Mais les mots qu'emploie le maître sont pas anodins. Family. Elle a pris un membre de ma famille. Voilà, le maître, c'est le chef de famille, le chef de cette famille un peu étrange, mais une famille quand même, des vampires. Et le maître voit d'un très mauvais œil cette Buffy qui lui prend ses enfants, les uns après les autres. Et là, les trois, oh là là, sont présentés. Ça va beaucoup trop vite, priorité directe. Les vampires très très méchants. Bah oui, parce qu'ils font peur à des nazis. Putain, des mecs qui font peur à des nazis, c'est chaud, vraiment chaud. Oui, ouais. C'est parfait. C'est effrayant. J'adore les t-shirts. Et George Michael au bronze. Et oui, on arrive au bronze. Et c'est une soirée fumigation. Il y a eu un raccord assez génial où le trio sont en train de marcher. Et juste après, il y a un pied sur un cafard. Le trio est là pour écraser les pauvres insectes que nous sommes, parce que voilà, Alex va bientôt être comparé à un insecte également. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Le trio est en route pour écraser les petits humains, les petits insectes. Donc sur les fumigations. C'est pas le trio, c'est les trois. Le trio, c'est en français. Le trois, voilà. Patrick Borg, gros bisous. C'est avant qu'il y ait le trio en fait. Et ça parle quand même coup de cœur, histoire de cœur entre Buffy et Willow. Et oui, et puis il y a un parallèle étrange qui est fait entre Xander et, ben, complètement. Et Angel et qui Angel. Sont. Bah ben oui, parce qu'il y a deux love interest. Hmm. Ben, voilà. Exactement, c'est des love interest. Et en même temps, Willow n'a pas avoué ses sentiments pour Xander. Et Buffy n'a toujours pas avoué ses sentiments pour Angel. Ouais, et bien non, mais surtout, elle reproche aux deux garçons de ne pas faire le premier pas. Parce que voilà. Tout à fait. On est encore dans les années fin 90. Reste aux garçons de faire le progrès. Et là, ben, on voit que Xander a beaucoup d'autres choses à penser que faire un premier pas vers Willow. Parce qu'il fait de la. Il fait là, il va traiter Cordelia de pute. Il drague un peu à droite à gauche. Il va traiter Cordelia de pute. Ou carrément. Complètement gratuit. Saison. Il est un peu zéro, Xander, là. Oui. Sur ce coup. Ouais, c'est chaud. Hein. Parce qu'il a fait des bonnes blagues avant, mais là, celle-là, elle est pas drôle du tout, en fait. Mais, est-ce que c'est pas montré comme une blague, là, à cette scène, à ce moment-là, enfin, précisément. On n'est pas du côté de Xander. Non, mais il est ridiculisé. Enfin, il est. Bah oui. Ridiculisé. Oui. Ah bah oui, il danse d'ailleurs. Il danse de façon ridicule. Par rapport à sa danse, ouais, c'est. D'ailleurs, Nicolas Bindon adore ce moment. Il n'y a qu'à voir comment il est. Il danse très bien. Et là, il va se passer un truc incroyable. Il va y avoir un plan génial où on va voir que Angel est en train. Était là depuis le début, en train de stalker. Et là, il stalke. Mais en fait, Angel, il est en fait de sa chère. C'est Michael Myers, en fait, le mec. Mais non, il est hyper fréquent. Raymond veut défendre Angel. Non, non, je ne défends pas Angel du tout. C'est un salopard. Voilà, et là elle sent Angel comme si c'était comme dans Highlander quand les immortels se sentent l'un et l'autre. Là elle sent le vampire être sur elle. Enfin, elle sent parce qu'ils sont un peu pareils en fait. Ouais, hein. On va y revenir là-dessus, mais Angel c'est un ange gardien. Hein. Angel, non, c'est stalk, un ange gardien. Non, non. Pour moi, il la protège. Je suis d'accord avec Maureen. Ouais. Il la stalk, voilà. Non, et surtout, ça, là. Et voilà. Il n'a pas de mauvaises intentions. Il est spectateur. Il est spectateur depuis le début de l'épisode. Et là, et vous allez voir. Il va intervenir. Il va intervenir pas tout de suite. Là, on arrive à la fin du teaser. L'épisode n'est même pas commencé que Buffy est déjà en danger. Normalement, ça, c'est le genre de scène qui n'arrive qu'en fin d'acte 3, quand l'héroïne est en danger. Sauf que là, vous allez voir, vu que l'héroïne de cet épisode, ce n'est pas Buffy mais Angel, l'épisode va commencer uniquement quand Angel va entrer en action, il va arrêter d'être spectateur, et donc juste après le générique, parce que là générique de la saison 1 qui est fantastique, hein. Non, qui est pas dingue, génial, mais on l'aime bien pour le côté, ça c'est souvenir, voilà. La nostalgie, voilà, si parce que non, il est pas ouf, il va y avoir le plan à l'arbalète d'ailleurs. Quelle est la différence entre stalker et observer? Il se cache avec un regard vicieux. Pour moi, un stalker, c'est vraiment quelqu'un qui a de très mauvaises intentions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obsédé par une personne. Il est obsédé. Hein. Oui, mais il n'a pas de mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'un stalker, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a de très mauvaises intentions. Non, pas forcément mauvaises intentions. Ah ouais. Non, mais en fait, on va peut-être revenir à l'épisode. Pardon, c'était peut-être pas une bonne relance. Pour moi, c'est creepy. Ah non, mais c'est pas parce que le mec n'a pas de mauvaises intentions volontaires qu'il n'est pas creepy, par contre. Ouais. Ah, voilà. Ouais, je pense qu'on a une bonne définition d'Angel. Voilà. Il est creepy sans. Vu la découverte qu'on va faire ce soir. Et voilà, donc il intervient. Et dans la baston, c'est intéressant parce que c'est pas le chevalier qui sauve la demoiselle en détresse. Il n'intervient que comme une diversion. Il met un coup et c'est une diversion qui permet à Buffy de se libérer elle-même. Et même juste après, Angel est là en train de prendre cher. Là, et c'est elle qui vient le sauver. Enfin voilà, c'est toujours intéressant. C'est un tout petit détail de chorégraphie de combat. Mais Buffy n'est pas la demoiselle que Angel vient sauver, mais c'est deux combattants. C'est important pour que le concept de la série tienne debout. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Course poursuite, magie du montage, bim, on était dans les... on est déjà chez Buffy, on est déjà dans, ils changent complètement de quartier. Alors au son c'est pas très audible, mais il y a un get in qui est prononcé par Buffy. Elle l'invite, c'est important. Elle l'invite la première fois, ouais. Très important. Et là vous voyez le bras qui passait à travers la porte, c'est quelque chose qu'on verra plus après, parce que là c'est le champ de force. Là c'est la première fois qu'on entend parler de cette histoire de le vampire rentre pas s'il est pas invité, tout ça. La main c'est bien. Et après les scénaristes penseront à cette idée de champ de force qui empêchera complètement même une main de vampire de passer. bon, là, c'était pas encore le cas. Il va y avoir plusieurs détails comme ça. On, bah, voilà, saison 1, on construit les choses et voilà, qui vont être modifiés par la suite. Priori, ça y est, on a chaud. Là, j'ai très très chaud. C'est-à-dire que là, j'ai 8 ans devant la télé et tension sexuelle. Buffy a quand même participé à l'émission. J'en ai 16, c'est pareil. David Boreanaz, c'est-à-dire que j'ai envie d'être à la place de Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz. Ah non, non, c'est hyper intéressant. Avec le tatouage dans la religion chrétienne, c'est hyper mal perçu en fait, parce que c'est perçu comme quelqu'un qui a deux visages et qui du coup par ces deux visages perd toute la noblesse de chacune partie de ce qui est censé représenter, et ça représente en fait le démon en fait. Mais ça coïncide très bien avec Angel. C'est incroyablement bien pensé. C'est la double nature du Christ, homme et Dieu en même temps. Ah. Il y a sagesse et pouvoir solaire. Et donc ça se chauffe un maximum. Vous avez 200 pages de notes. Le pouvoir solaire d'Angel. Ça se chauffe, hein, ça se tripote et tout. Et mais heureusement, Joyce arrive. Voilà. Vraiment naïve hein, quand même. Elle a tout compris, Joyce. Regarde son petit regard, genre il est un peu tard. Okay. Bien sûr, foutez-vous de la gueule. Vous étiez en train de piller dans la cuisine, évidemment. Surtout qu'Angèle, il vient genre pour se présenter au lieu de se cacher comme toute personne normale dans cette situation. Non, c'est un gentleman, c'est pour ça. C'est le gars qui parle du tout à stocker. C'est un mec d'un ancien temps, tu vois. Ouais. Il est pas, il est à l'ancienne. Non, il est inadapté socialement. Il est un peu anachronique. Ouais, un petit peu. Et là, il va y avoir un plan formidable. Il est convaincu. Oui. Vous faites votre courrier personnel peut-être pendant le. Comment il bosse à côté. Mais là, il y a un plan de porte incroyable. Voilà. Angèle est cachée derrière la porte. Il était sympa ce plan d'ailleurs. Mais oui. Elle referme la porte sur celle de sa vie réelle et elle ouvre sa porte à Angèle en laissant rester chez elle. Enfin, c'est voilà. Elle ouvre son intimité et elle l'emmène dans sa chambre. Ah ben alors là, c'est là, il y a encore plus d'intimité parce que. Il y a une grosse angoisse quand il arrive dans la chambre d'Angèle. Il sent que c'est le lieu de la pulsion qui peut mal partir. Il pénètre l'intimité de Buffy en s'introduisant dans sa chambre. Elle le dit. Ah, il y a un lit, on est deux, ça va pas marcher. Elle aussi, elle est quand même très très mal à l'aise. Un point architecture me semble assez important. Fenêtre, un peu. Les cloisons en Californie sont assez extraordinaires. Oui. On rappelle que Joyce est dans la chambre d'à côté. Elle n'entend rien de ce qui se passe. Ouais, les cloisons sont très bonnes. C'est ce qu'on appelle le plateau. C'est ce qu'on appelle la reconstitution. Cette scène, c'est vraiment une scène qui a été gâchée par la HD. Hein. Oui, exactement. Parce qu'il y a un clair obscur de ouf dans cette scène, et en HD ils l'ont faite comme si c'était en plein jour en fait. Ben oui, mais là on a. Faut pas regarder cette scène en jour. Alors que là il y a. Pas regarder la HD. Là il y a du mystère. Voilà, ils sont sombres, on voit pas exactement. C'est très fort, c'est très érotique. D'accord sur le chat. Et juste avant, il y a Buffy qui se changeait et Angel qui s'est tournée. Deux épisodes avant, et on avait exactement la même scène dans Never Kill a Boy on the First Date. Avec Xander. Et là, ouais, on avait ce gros dégueulasse de Xander qui lui essayait de mater Buffy à travers un miroir. Et pourquoi va pas dans la salle de bain pour changer? Ce serait plus simple. Mais parce qu'il y a un petit. C'est de la provoque. Un petit jeu. Non, mais surtout, on a la même action et deux traitements différents, car deux personnages radicalement différents. Et là, c'est très parlant. Là, il y avait un plan super qui est vu. Il a 204 ans. En plongée. Il mature. Sur les deux. En plongée, on voit Angel. Il est périmé. Angel et Buffy. Arrêtez. Angel et Buffy qui dorment ensemble, et ce plan en plongée rabaisse. Aplanit la perspective. Et fait qu'on a l'impression qu'ils dorment l'un avec l'autre. Alors que pourtant ils sont sur le même plan. Et là par contre, il a quand même menti. Angel a quand même menti, c'est-à-dire que quand elle lui demande est-ce que tu ronfles, et il dit ah non, ça fait très longtemps que j'ai pas été en position que quelqu'un j'ai pas dormi avec quelqu'un. Oui, sauf que déjà les vampires n'ont pas de souffle, de 1. Donc est-ce qu'ils ronflent? Non, c'est sérieux, c'est une vraie question. Et en plus de ça, il le sait très bien. Donc il l'entourloupe. C'est peut-être pas le bon moment pour lui annoncer quoi. Il l'entourloupe un petit peu là quand même. Bien sûr, après, c'est le premier. Quand c'est trop beau, c'est bizarre. Qui n'a pas fait la première fois que tu dors avec quelqu'un, tu dis pas que tu patouilles. Tu ne dis pas que tu ronfles. J'ai un gros problème de. J'ai dormi hier, je l'ai confirmé d'ailleurs. Bon, priorité bon épisode, en tout cas. On est à la bibliothèque. Donc là, il y a des trucs assez incroyables. Au niveau de la mise en scène, il y a Alexander qui est bien en retrait au moment où ça parle vampire, et vous allez voir qu'il se rapproche dès qu'il faut lâcher des saloperies sur Angel. Enfin, on a bien compris que lui, sa priorité, c'était pas du tout le trio ou combattre les forces du mal. Sa priorité, c'est son crush ne doit absolument pas être proche, trop proche du beau gosse. Il est relou avec ça quand même. Très. Ah non, mais Xander, c'est horrible. Si moi je peux pas l'avoir, personne ne l'aurait. Bah carrément. Mais il est adolescent un peu con quand même. Oui, enfin, c'est son personnage. Il est passé pas mal. Ouais, donc c'est l'excuse. Après, il apprend. Il est juste. Il a ses défauts. Il apprend, oui. Il est non mais il est possessif hein, quand même. Priorité au direct. Donc juste après avoir eu un débriefing de la soirée du côté des humains, on a la même chose du côté des vampires, et avec le patriarche vampire, donc le maître, il fait un peu comme le patriarche humain qui était Jace. Il apporte des connaissances à ses jeunes disciples. Jace expliquait le résultat de ses recherches à Buffy, Will, Xander. Là, le maître, il fait la même chose en montrant à Colin le bon comportement à adopter comportement à adopter. Je t'ai dit, je comprends pas la main. Anointed One. C'est en Sartois, vous savez pas. Ah, c'est du Sartois. Ah, fallait dire direct. Priorité direct, première séance d'entraînement visible à l'écran entre Jace et Buffy. Et on voit que c'est pas vraiment. Un peu que c'est intéressant. Et on n'a toujours pas été striké d'internet. C'est Twitch, c'est l'arme vers laquelle elle va se tourner à la fin. Alors que là, il lui dit non, t'es pas prête. Ouais. Et à la comme fin, quoi, ouais. elle est dans Prophecy Girl. En fait, ouais. Hein. Ouais. On a un magnifique exemple de mansplaining. Hein. Jace qui veut expliquer. Je le rappelle, le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà beaucoup mieux que lui. Et il fait genre, tu sais pas, je vais t'apprendre la bagarre. Juste Buffy, c'est la spécialiste de la bagarre. Donc évidemment qu'elle sait faire, et ça va se terminer. Donc il va se faire. Il fait son boulot là, Jace. Enfin, c'est son attribution. Mais c'est juste que le conseil est dans sa tête là. Il est pas encore déconstruit. Voilà. Hein. C'est l'épisode 7. Hein. Bah, l'épisode 7. Laissons-lui un peu les balbutiements. Il fait un en garde en français au début, que moi j'ai adoré. Mais t'es d'accord qu'il est complètement ridiculisé dans cette scène. Ah bah il se fait humilier. Non seulement par son costume, mais par le fait qu'il se fait se battre, qu'il soit paternaliste. Et Buffy, voilà, qui est shooté en contre-plongée à la fin, toute puissance. Voilà. J'ai l'impression dans cet épisode tous les l'entourage de Buffy est abaissé en fait. Angel est encore caché dans le noir, il stalk Buffy dans sa chambre, il est planqué dans sa chambre. Alors là, depuis le début, il est censé. C'était un petit peu excessif de dire stalker, mais là, quand je l'ai vu, j'ai fait non, mec. Alors on arrive c'est vrai, il aurait pris l'aurait pu que Angel est toujours en noir et blanc dans cet épisode. Constamment habillé en noir et blanc. Alors. Et Buffy après, c'est son costume officiel, entre guillemets. Pourquoi il surgit des fois, il a des chemises un peu pourpres. Alors, ils ont cassé le costume. C'est son travail, tu dis. Vous savez que j'adore quand on parle costume dans la série. Mais là, il se passe un truc assez génial. C'est vraiment, on arrive à la fin de l'acte 1 et je dois vous dire pourquoi cet épisode est extraordinaire. Il y a une fenêtre. Non, mieux que ça. Il y a une porte. Il y a des portes, des fenêtres. J'ai un petit chien saucisson en bas de la porte. Il y a une métaphore pour pas faire passer le vent. 42 minutes d'épisode, vous allez avoir un résumé parfait de tout ce que va être l'entièreté de la relation Buffy-Angel. Ah, voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu m'as dit ma conclusion, mais c'est bien. On a là jusqu'à présent, hein, on est un peu dans la saison 1 quoi. En gros, la saison 1 et demi. Buffy, Angel, ça se tourne autour, ça se bécote, ça machin, tout ça. Et là, on va arriver au moment du rapprochement physique. On va arriver à l'équivalent de ce qu'est l'épisode Surprise, où ils vont avoir un rapprochement physique très physique, Buffy et Angel, et ça va complètement transformer Angel, qui va se transformer en Angelus. Et là, on a un avant-goût de ça avec ce premier bisou qui se transforme en cauchemar. Ouais. Pourtant, ça a l'air bien parti. Ah, ça part visuellement, bien. Je veux dire, là, devant l'épisode, c'est vrai que l'ironie du truc, c'est toute l'ironie du truc. Cet épisode 7, les épisodes 7 de chaque saison de Buffy sont importants. Et là, on est au cœur. Et là, c'est la métaphore. À l'époque, on ne savait pas que c'est un vampire, quand même. On n'avait pas deviné avant. Ouais, on avait eu quelques petits. Qui avait deviné avant? Personne. Ah bah je crois que si, t'as des indices sur le chat, quand même. Moi, t'avais 8 ans, moi. T'as 0 indice. T'avais 8 ans. Ah oui, non, mais après, je sais plus. Elle a dit quand même que sentait la tension sexuelle à 8 ans quand elle voyait Non, mais ouais, sérieux. Non, mais ouais, ouais. Effectivement. Ça, complètement. Éveil sexuel avec David Boreanaz. Alors, je voulais juste ajouter que Buffy hurle. Buffy n'hurle jamais dans la première saison. Et là, c'est fascinant, c'est parce que c'est pas la tueuse qui réagit, c'est la jeune fille qui. C'est pas une tueuse qui se retrouve face à un vampire, c'est une jeune fille, une jeune amoureuse qui se retrouve face à une vilaine bête qui pensait être son amoureux. C'est intéressant parce que le Angel, les sentiments qu'elle a pour Angel la ramène à son état d'adolescente, de fille normale, et exactement ce qu'elle essaye d'être. Et là elle est complètement, et c'est criant grâce à ce cri. C'est que là Buffy elle est habillée comme Angel, mais elle a un petit bonhomme de neige sur son t-shirt, tu vois, comme pour montrer qu'elle a mis les pieds dans un monde de personnes trop vieilles pour elle. Merci pour ce genre de détails. Un monde de personnes trop vieilles pour elle, tu sais ce que c'est ça. Un monde de personnes trop vieilles pour elle, oui. Mais ça, très souvent, Buffy, elle va être à des petits t-shirts avec des lapins ou des ça. Comme ça, des petites barrettes un peu marrantes. Il y a toujours un truc pour rappeler que, bon, c'est une ado, quoi. Un peu juvénile, ouais. Et là, on a quand même Xander dans toute sa splendeur qui lui dit: ah, t'es in love d'un vampire, t'es complètement dingue. Donc, en gros, depuis. Culpabilité, depuis le début. Voilà. Paternaliste, ouais. Ah ouais, possessif à souhait, et du possessif, coup, ça pose les bases de tout ce qui va découler de la saison 2, et en fait. Hein. Pas d'intelligence émotionnelle, comme nous, zéro en fait la leçon. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là, il y a une scène coupée. Normalement, il y avait dans la continuité, il y avait Willow et Xander qui se rendaient à un cours de géométrie, et il y avait un échange. Priorité au direct, c'est la première fois qu'on voit l'appartement d'Angel. Ok, ouais. Ça casse, c'est pas un problème. Il a l'air d'un stalker, même chez lui. Hein. Non, mais cette scène est assez géniale, hein. On va en parler, mais cette scène est géniale. Ouais, et puis l'éclairage. Il y a Darla est cachée dans le jeu. Ah, Darla, oui. C'est un truc de vendeur. Vas-y, Sardone, tu voulais dire quelque chose? Je parlerai de mon cours de géométrie en conclusion. C'est pour vous. Allez, il est vexé. Oh merde, voilà, ça y est. Même Darla va chez Angel sans son autorisation. Tout le monde va chez tout le monde comme ça. C'est pas pareil, entre vampires, c'est pas pareil. Darla, tu vois, par la tenue d'écolière de Darla, tu fais tout de suite le lien avec le truc de ah ouais, sa relation avec Buffy, c'est peut-être quand même un peu malsain. Bah elle l'a compris, elle lui fait bien remarquer. Bah oui. Darla est géniale. Moi j'adore Julie Benz, je suis fan de Julie Benz depuis d'ailleurs, je suis même plus fan. C'est marrant parce que quand on bascule sur Angel en saison 2 et que Darla revient et qu'on explore leur relation, elle est géniale. Mais en fait, je trouve, ça a même peut-être plus de poids que Buffy et Angel à un moment donné, quoi. Oui. C'est vraiment, donc, moi j'adore ce personnage. Le personnage de Darla, ouais. Le personnage de Darla met Angel face à un choix qu'il doit faire entre Buffy et les vampires. On a parlé de la famille, et là il a un choix, il est entre deux familles, sa famille de sang, donc les vampires, les personnes qui l'ont engendré, les liens de sang, et sa famille de cœur, hein, ce qu'on pourrait qualifier par sa belle famille, en gros, les copains enfin la famille de sa meuf, quoi. Et là clairement il doit faire un choix. On est plus ou moins, si on pareil, on reprend notre chronologie de l'entièreté de la relation Buffy Angel, on est entre innocence et passion, en gros, en saison 2. Angel fait partie des méchants, mais il n'est pas encore très prêt à éliminer Buffy, comme Buffy n'est pas encore prête à l'éliminer lui. Je dis pas que ça va arriver. On sait pas. La scène est géniale, là, où Darla nous ouvre les rideaux, lui montre les poches de sang, enfin on comprend en juste une scène. Tout le quotidien de Angel, tout ce que ça implique, le fait que ce soit un vampire, en fait, ça remet en question tout le personnage. Et puis ça montre, c'est pas pour rien qu'on nous montre son ça montre en plus que c'est un personnage qui appartient à aucun monde. En fait, il est entre deux mondes, et il est rejeté par les deux mondes, et il est bloqué. Et du coup, il peut pas trouver sa place. Et comment tu peux changer, en fait, et devenir quelqu'un de meilleur si t'as ta place nulle part? C'est juste pas possible. Et surtout, on l'enferme. Il y a un discours communautariste de Darla qui l'enferme dans sa communauté, enfin qui lui dit tu es un vampire, donc tu dois te comporter comme tous les vampires. Tu peux pas être une dédaignante de gris, quoi. Voilà. Tu n'as pas le droit d'être Angel, tu dois être un vampire et réagir comme un vampire, donc tu es la tueuse et etc. Il y avait un plan super super génial à la fin où les dernières répliques se font, les dernières répliques de Darla, elle est floue derrière la tête, juste comme si c'était la conscience d'Angel qui lui parlait. C'est extraordinaire. Et Angel est au courant de tout ça, c'est sa vampirité qui lui parle sous les traits de Darla, et le plan a été magnifiquement fait pour montrer ça. Mais ce qui est génial d'ailleurs, c'est que dans cette première saison, on est un peu sur un versant Monster of the Week à chaque fois, sauf sur cet épisode là et Prophecy Girl, qui seront quand même assez feuilletonnants. Et du coup, en fait, cet épisode là je trouve qu'il pose vraiment les bases de tout ce que va être le Buffyverse après, en fait. C'est vraiment tout ce qui va découler de la saison 2 et tous ces personnages dont on ne se doute absolument pas qu'ils auront une suite. Darla, Angel, même le maître dans des flashbacks, merci. Du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment genre, il y a le pilote, ensuite quelques épisodes un peu balbutiements comme ça pour tester un peu la température, et qu'ensuite, effectivement, on a cet épisode 7 qui arrive et qui va vraiment construire tout l'univers et toute la genèse et tous les codes, en fait, les codes des vampires, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et ça va venir ensuite alimenter tous les personnages qui vont débouler dans les saisons suivantes, quoi. Et justement là, on a une succession de scènes qui se répondent les unes les autres, en fait. On a tout le monde part dans le gel, en gros, tout le monde part dans le gel, mais tout le monde décide ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire à sa place. On a Darla et le maître qui sont en train de parler, et il y a toujours cette histoire de famille. On doit faire ça pour que la famille, comment il dit, attention, je vais parler en américain. Oh, putain. How we all work together for the common good. Comment on travaille ensemble pour le bien commun. C'est une secte, en fait. Exactement. Le maître, en fait, c'est un gars qui veut une sorte de gourou, mais il aime sa famille, non? Il veut que sa famille reste soudée et unie, quitte à mentir, quitte à manipuler ses membres pour qu'ils restent au sein de la communauté. C'est là où c'est bizarre. C'est ce qu'a suggéré Darla, et ça se termine par "That's how a family is supposed to function." C'est comme ça qu'une famille doit fonctionner. Donc là, ça parle de guerre de succession, Riley, peut-être. Non, de sécession. De succession. J'ai rien compris. Et bien, justement, on peut faire un parallèle, chercher un petit lien entre cette guerre de sécession et l'épisode qu'on voit aujourd'hui. C'est peut-être pas anodin que Buffy, ce soit le thème du cours d'histoire de Buffy, que Buffy révise là avec Willow. La guerre de sécession, pour rappel, c'est un peu alambiqué. C'est une guerre civile. J'adore ce qu'il y a alors alambiqué. C'est la guerre civile qui a opposé le nord et le sud des États-Unis à la moitié du 19e siècle. Et voilà, et les deux camps qui cherchaient à obtenir le pouvoir sur l'ensemble du pays. Comme là, on a deux camps qui s'affrontent. Qui sont les sudistes alors? Les vampires, c'est les salopards de vampires. C'est les méchants. Et ce qui est marrant, c'est que là, ce que dit Willow à propos de Xander, elle dit non, je veux pas me manifester parce qu'après ça mène à la folie. C'est exactement ce qui va se passer entre Buffy et Angel. À se manifester l'un à l'autre, ils vont devenir fous. Ouais, mais cet épisode, ça définit incroyable. Toute la relation entre Buffy et Angel. J'arrête pas de le dire. Mais Willow explique bien que Buffy va vieillir, elle va se rider, elle va mourir sa vie de femme, mais que lui, Angel, non. Willow est fascinante dans cet épisode, elle a tout compris, Willow a tout pigé, et dans la scène qui a été coupée aussi, dont je vous parlerai en conclusion, parce que vous m'avez pas laissé parler, mais voilà, elle a des répliques. Pardon, mais fais ton podcast tout seul. Elle a des répliques où. Et là. Pardon. Avec les temps qui courent. Et il se passe des trucs là. Vous avez pas, il y a Joyce qui est toute seule. Joyce qui va faire du café à 23h. Encore un peu à côté de la plaque. Petite tendance un peu scream quand même. Les couteaux avec les couteaux. Et surtout quand elle apparaît à la porte. Complètement. C'est complètement scream. Ah ouais, c'est toujours le bon réalisateur. Toujours le tueur de slasher. Oui, complètement. Non, mais il y a plusieurs séquences où vraiment c'est emprunté au film d'horreur. Complètement. Bah là, c'est ça qu'on va faire complètement. La porte, on va voir. Ah ouais, la... C'est toujours je suis là, je suis plus là. C'est dans la saison 1, c'est tout le temps, en fait. Même pas, tu ne vois plus, quoi. Le plan efficace, Moi, je pense que fait flipper ce plan. C'est un peu les codes de la série. Buffy, c'est aussi une série d'horreur, et régulièrement, on doit avoir ce genre de scène un peu de tension, de suspense. C'est pour ça que cet épisode est bien construit, bien écrit. Il y a vraiment tout ce que. Finalement, tout ce que représente Buffy. Et tu dis bien écrit, Riley. Tu crois pas si bien dire. Là, on a une succession. Toutes les répliques de Darla, elles sont extraordinaires parce qu'elles ont toutes un double sens. Ma famille remonte à l'époque de l'indépendance. Ça veut dire je suis né à cette époque. Merci de m'inviter. Ça veut dire tu m'avais pas invité chez toi, j'aurais pas pu rentrer. Et à la fin, il va y avoir un succulent. Je veux bien manger quelque chose. Veut dire c'est un toi truc, que je veux manger. Un truc gros. Un petit grignoter quelque chose. Mais là, du coup, on voit que Joyce est assez peu impliquée dans la vie de Buffy parce qu'elle se rend même pas compte que Darla est pas une amie de Buffy. Elle vient d'arriver au lycée. Voilà, c'est une copine, quoi. C'est elle n'avait jamais entendu parler d'Angèle non plus. On revient dans The Witch, le troisième épisode de la saison 1 avec les sorcières, qu'on voit qu'elle répond un peu n'importe quoi à Buffy. Enfin, elle n'est pas hyper impliquée. Elle est à côté de la plaque, comme d'habitude. Je crois que c'est un personnage qui va évoluer. Et rappelez-vous, le personnage de la mère de Buffy dans le film. Il y a une porte. Dans le film de Buffy, c'est une mère complètement démissionnaire qui n'a rien à faire de sa fille. Et Elle fait des efforts. Il y a encore des petites choses comme ça. Et bien sûr, elle va évoluer vers. Jusqu'à Becoming. Elle va évoluer. Ah ben ouais, Becoming, c'est le. Mais là, il se passe plein de trucs là, par contre. Et puis Angel, c'est complètement un mec qui a des addictions, à qui on met la canne, la drogue en fait. Non, je peux pas. Là, il y a un jeu sur le terme home. Darla, c'est bien réussi les maquillages vampires. Darla lui dit welcome home, bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Au moment où il va goûter Joyce, enfin, tu vois, c'est une manière de dire bienvenue dans la famille. Et là, Buffy qui arrive juste après, qui dit hey, I'm home. Hey, je suis de retour, je suis à la maison. Et voilà, parce qu'il faut se rappeler que toute cette scène se passe dans le foyer de Buffy. C'est pas anodin. Angel est à cheval entre deux foyers, le foyer des vampires, le foyer de Buffy. Et là, il se fait éjecter du foyer de Buffy. Compte tenu, en plus de la métaphore légèrement sexuelle de la morsure de vampire, c'est un peu chelou que ce soit sur la mère de Buffy qui soit près de craquer en fait. On voit vraiment qu'il se débat intérieurement. C'est vraiment c'est hyper bestial. Mais c'est un personnage qui parle de pulsions en fait, Angel qui arrive pas à gérer ses pulsions. Et ouais, là il y a ce plan de Buffy qui passe un coup de fil avec sa mère par terre. Moi ça me rappelle The Body. On voit que The Body en mal filmé. En filmé pas pareil. En différent. Ça permet de voir comment rendre une scène beaucoup plus spectaculaire que. Et surtout, c'est pas l'important. Dans cette scène-là, on le rappelle qu'on a un épisode sur Angel. Donc, dans cette scène-là, alors que Joyce Pice a deux doigts de la mort, c'est pas ça le plus important. Donc, effectivement, cette scène qui pourrait être. Attention, priorité au direct. Joyce, c'est la première fois que Joyce rencontre Giles. J'avais dû leur dire. En fait, elle se rend pas compte encore de la chance qu'elle a. Il ne s'était jamais vu jusqu'alors. Mais elle est pas choquée plus que ça. Et du coup, elle se dit ah ouais. Mais elle est à côté de la plaque. Il y a un autre médecin. Ah bah non, c'est super. Mais ils sont super dans ce lycée. Ouais. Non, mais trop bien. Et là, on va avoir une Buffy qui change d'avis sur Angel. Donc là, on se situe fin de saison 2 sur notre petit frise chronologique de Angel de Bangel. Et elle est prête. Angel s'est attaqué à ses proches, donc Jenny en saison 2 et là sa mère ici. Et donc maintenant, quels que soient les sentiments qu'elle a pour lui, elle est prête et elle est déterminée à se confronter à Angel et même pourquoi pas à le tuer éventuellement. C'est une possibilité qu'elle n'écarte pas. On a un changement et je vous dis, on avance dans l'histoire. Et pourquoi là, elle ne demande pas déjà à Joyce un sort pour plus qu'il rentre chez elle parce qu'elle voit que c'est un vampire? Enfin, pourquoi là elle ne le demande pas comme dans Passion? Je pense qu'elle est un petit peu en panique là. Elle vient d'apprendre. Mais là, elle ne le sait pas en plus. Oui, mais dans Passion, c'est elle qui le demande, qui fait la demande s'il n'y a pas un sort qui existe. Elle est plus mûre aussi, elle a grandi. Là, la magie n'est pas hyper très présente encore. Et c'est une meuf d'action, elle veut péter des gueules. Bagarre. Et justement, action, on arrive dans une sorte de montage qui nous rappelle les meilleurs films des années 80. Training montage. Le héros. Il se prépare. Ça m'a rappelé Commando là, avec Schwarzenegger. Et Darla est la conscience d'Angel. C'est pas vraiment la conscience, c'est plus son petit démon. Parce que la conscience ne te pousse pas au vice normalement. C'est son coach mental. Kill, feel, live. Exactement. Ah, mais c'est. Elle le prépare. Accepte ton côté monstrueux quoi. Et Buffy s'entraîne à l'arbalète sur une affiche avec un mec qui fume. C'est un petit truc marrant. Pour dire qu'il faut pas fumer. C'est subtil. Le gars il a beau être mignon mais il est fumer, pas sain. Fumer ça fait mourir. Il y a toujours des affiches assez marrantes. Dans les bibliothèques en plus c'est souvent le cas. Il y a une affiche qui dit les femmes généralement les femmes aiment les hommes vivants ou n'aiment pas les hommes morts. Enfin il y a un truc comme ça. Ça dépend des dans The Beauty and the Beast, c'est dans cet épisode. Par contre, priorité au direct. Ce qui est hyper intéressant dans cette scène, c'est que Angel et Buffy, ils arrivent jamais à se voir pour un rencard. C'est impossible. Et là, leur première bagarre où ils risquent de vraiment se mettre dessus, c'est dans un bar qui est fermé. Et pour une fois, Buffy, là, dans l'épisode, elle porte des couleurs, elle a mis un petit chemisier à paillettes violettes, qui est quand même plus une tenue qu'on met pour un rencard, normalement, que c'est pour un combat. C'est changé. Et du coup, ça préfigure complètement, en fait, de leur relation, où ils vont jamais avoir de rencard, en fait. À chaque fois qu'ils vont avoir un rencard, ça va être pour se battre. Ouais, ça va être pour se taper dessus. Alors là, il y a une scène, il y a une scène assez géniale dans laquelle le but de cette scène, c'est clairement de donner l'info à Jai, ce que, ouais, c'est Darla qui a mordu Joyce et pas Angel. Mais il y a une phrase qui, moi, dont je me souviens à chaque fois, où Jai explique à Joyce que Buffy n'aime pas trop l'histoire, elle a du mal à s'y mettre parce qu'elle est très dans le présent. Et je trouve que c'est une super caractérisation de ce personnage de Buffy. Cette nana qui se bat contre des monstres millénaires, et ben de dire que elle est moderne, et qu'elle en a rien à foutre de ces monstres vieux et de tout ce patrimoine, de toutes ces légendes et tout ça, et ben c'est d'en faire un personnage qui a du mal à apprendre l'histoire et le passé. Je trouve que c'est une super idée, et c'est déjà le présent, pareil, dans le film. La première réplique de Buffy dans le film de 92, c'est « Ah là là, machine m'a mis une sale note au contrôle d'histoire. » C'est vraiment un truc très important pour du personnage de Buffy. Oui, et puis ça montre que Buffy et Angel, ils viennent pas du même monde, et qu'Angel vient d'un monde que Buffy comprend juste pas, en fait. Mais là, dans cet épisode, il y a quand même... on dirait qu'ils ne pensent pas vraiment par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très influencés par le discours d'autres personnes. C'est-à-dire que Buffy... Darla va influencer Angel dans sa pensée, en lui disant rejoins-nous et tout et tout. Et Buffy en même temps va être hyper influencée par tout le discours que lui tiennent Xander, Giles. Et en fait, quand ils sont confrontés l'un à l'autre, ils savent plus très bien où ils en sont. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu cette façon de penser par eux-mêmes. Ils ont été complètement... Guidés. Ouais, c'est ça, ils ont été aidés, ils ont été complètement... brainwashés, presque. Influencés par des discours extérieurs, en fait. Et là, ils sont plus c'est que vrai. Tous les deux, ils voilà. peuvent ils parler. Peuvent et justement, il s'est passé un truc, on est passé, on est arrivé en fin de d'acte 4, et Angel était en danger. C'était lui qui était en danger de mort. Il était pointé par son arbalète par Buffy. Il était à deux doigts de mourir. On avait très très peur. Mais Buffy était à terre en temps tremblante. Donc, aucun des deux n'a envie de tuer l'autre. Oui, on voit qu'elle hésite. On en reparle après. Et ce petit coquin de Angel change à ce moment-là, au début de l'acte 4, il change de visage, ouais. Et il se retransforme en visage humain, une manière très visuelle de dire que je suis les deux, moi je suis vampire mais je suis aussi humain, ce qu'il fera quand il sera en Angelus, et surtout ce qu'il explique. Mais là oui, il dit qu'il a tué toute sa famille, les amis de sa famille, il sort littéralement de l'ombre quand il montre son côté sordide, quoi, vraiment. Et donc son vrai visage, non pas son vrai visage, une partie par son visage, parce que c'est pas son vrai visage Angelus, c'est une partie de sa personnalité. Et voilà. Et là, ce qu'il a montré donc visuellement avec cet effet spécial de morphing entre son visage vampirique et son visage humain, là, il est en train de l'expliquer avec des mots. Il explique que la fameuse malédiction qu'on lui a jetée, qu'on lui a donc rendu son âme, et qui en fait un vampire pas comme les autres, qui en fait un vampire avec une sorte de don, en fait, un vampire unique. Et ça vous fait penser à quelqu'un, ça vous fait penser à Buffy aussi. Mmh. Buffy aussi, une personne qui est unique dans son groupe, qui est les êtres humains en tout cas. Voilà, ils sont tous les deux, comme on disait, inadaptés. Enfin, ils se sentent tous les deux différents des autres, et c'est ce qui les rapproche. En fait, Buffy et Angel, c'est exactement, ils sont pareils, quoi. Ils sont pareils, mais dans deux familles différentes. C'est un peu les Roméo et Juliette. Les amants maudits, complètement. Ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant avec Angel, c'est que il représente un peu, c'est cette partie monstrueuse qu'on a chacun un petit peu en nous, et on se dit si les gens que j'aime voient cette partie monstrueuse, en fait, est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer ou pas? Ouais. Est-ce qu'ils vont pas me rejeter? Et c'est ça qui lui fait peur, en fait. Alors monstrueuse ou au moins différente. Ou différente, parce oui, mais que, monstrueuse. Il y avait non parce que je vais parler d'un truc. T'as pas de partie monstrueuse. Qui n'a rien de monstrueux. Non parce que je vais parler d'un truc qui n'a rien de monstrueux. Dans les scènes où il se cachait dans la chambre de fille, il se dit qu'il se cache dans le closet, dans le. Oui, il est dans le placard. Dans le placard. Ouais, on sait bien que l'expression sortir du placard, c'est faire son coming out. Et il y a un sous-texte un peu comme ça quand il montre son vrai visage à Buffy dans sa chambre. Il y a un côté je montre qui je suis vraiment. Quitte à ce que ça te plaise pas, je suis comme ça, quoi. Ouais. pendant ce temps-là, Darla est arrivée. Elle a foutu un peu le merdier dans cette jolie scène qu'on avait entre Buffy et Angel. Voilà, c'est Lex, un peu relou, quoi, qui vient. Ex-relou et maman possessive aussi, parce qu'on rappelle légèrement que... C'est vrai qu'il y a un côté c'est un peu lourd, elle qui a transformé, c'est elle quand même qui a transformé Angel en vampire, qu'on verra dans Akatla, partie 1, Becoming Part 1, à la fin de la saison 2. Ouais. Donc, Darla, elle est à la fois la mère et l'ex. Donc, elle sort deux flammes, ça, c'est de l'inédit pour Buffy. Et là, elle est en mode John Woo. Ouais, c'est exactement ça. Elle s'est changée quand même. Elle sort les deux Beretta. John Woo du pauvre, hein. C'est moi aussi, je me suis dit, il y a une ambition de faire une shooting scène un peu sympa. Mais sauf que j'aime beaucoup ce truc, c'est qu'il est très moderne. Et d'ailleurs, c'est bien que tu sois là en fin de cheval, parce que ta traduction c'est moi. Sur le vampire moderne. Ouais, mais ça, ça mais parle là, bien. Le fait qu'elle sorte de flingue, c'est justement. On en parlera plus. Alors que Buffy, qui est une fille. Ouais, et puis Buffy, qui est une fille de son temps et qui elle se bat avec une arme complètement antique et dépassé quoi, désuète. Buffy avec l'arbalète et Darla avec les flingues nouveaux. Et sur la réalisation, donc elle tire 200 000 balles. C'était très chargeur illimité. Mais comment ça, Scott Brasil peut-être il avait pas de moyens, le pauvre Scott. Il était pas en forme. Mais c'est un peu nul. Mais on va avoir l'arrivée du stroboscope dans quelques instants et ça va rendre la scène un peu plus sympa, un peu plus sexy. Ouais. Ça, c'est John Woo à fond quand elle glisse sur le billard. Mais tellement, c'est tellement. C'est John Woo sur le billard, exactement. Ça va à deux à l'heure, c'est tout mou, c'est mal fait. C'est un peu déçu. Elle est pas bien rythmée. C'est le John Woo du pauvre. Il en a rien à foutre. Oui, non, mais ils ont bien vu. Non mais le problème, Julie Benz est quand même moi je la trouve absolument. Mais c'est beaucoup la composition musicale qui n'aide pas dans cette scène. C'est dramatique. C'est chaud. Bah ouais, Christophe Beck était pas encore. Non. Arrivé. Non, il y a beaucoup de défauts, mais c'est l'écriture qui est. Et voilà, Priyotonet. Angel a choisi son camp. Il a suivi pleinement les recommandations freudiennes. Hein. Il a tué la mère. Il a couché avec la mère et après il a tué le père parce que Darla est à la fois sa mère et son père. Magnifique plan, lumière rouge. Il a choisi Buffy. Et il a choisi Buffy. Et surtout il fait quoi ? Il se barre ! Regardez, il s'en va. Il laisse Buffy toute seule. Salut mec. Les preuves d'amour ont été nombreuses pendant toute cette scène. Mais à la fin il se casse comme il se cassera tout le temps. C'est à elle de faire son choix. Casse, hein. C'est à elle de revenir là. C'est un lâche. Non, mais voilà, rappelez-vous la fin de la saison 3. Il a peur. La fin de la relation Buffy Angel, c'est pareil. Il se casse. Il est conscient que cette relation ne peut pas fonctionner. Il l'a dit plusieurs fois à Buffy, je suis plus vieux que toi, ça ne peut pas marcher, tout ça. Et il s'en va parce que il a compris qu'ils étaient un peu pareils et qu'ils ne pouvaient pas. C'est pour ça que c'est pas purement un stalker creepy avec de mauvaises intentions. Il sait quand même. Comme là, on a le maître qui a du mal à se gérer. C'est un maître torturé. Le maître est triste. Il est tout chagriné de il a perdu la petite Darla. Darla était sa préférée quand même. Elle était vicieuse en même temps. C'est lui d'ailleurs, c'est le maître qui a transformé Darla. Elle était elle était mourante de syphilis. Quoi déjà, de la syphilis, tout à fait. Et du coup, c'est lui qui est venu la transformer. C'est là qu'on voit que les vampires sont capables au final d'aimer et d'être attachés, d'avoir des émotions, complètement. Donc dernière fois que je vous en mette avec le parallèle entre cet épisode et toute la relation Buffy-Angel, là donc ils sont plus là, et Willow demande à Buffy, alors t'as des infos, et on répond « No word from Angel », pas de nouvelles, et Buffy dit « I feel like he's still watching me », j'ai l'impression qu'il me regarde tout le temps. Et super flippant comme Michael Myers, il est tout là. Et c'est comme ça que va être la relation entre Buffy et Angel après la saison 3, après qu'il soit parti. Il est toujours dans le coin, il est toujours dans un coin de sa tête en tout cas. Et comme ça nous rappelle aussi la musique, faut parler de la musique. I remember you de Sophie Zelmani. Et il y a un épisode de Angel qui s'appelle I'll remember you. Et qui parle de ça, Et qui reprend les paroles de la chanson en fait. Voilà, avec le cœur qui bat. Et Buffy et Angel ne peuvent pas être ensemble. Ils vont essayer une dernière fois. Et ils ne peuvent pas y arriver, comme on l'a dans cette scène qui est très touchante, exactement. Et là, bizarrement, ils font quasiment la même taille, bizarrement. Ce qui est marrant aussi, c'est que en fait ils sont seuls au monde, parce qu'on voit pratiquement personne derrière eux, c'est tout noir, et ça rejoint ce que dit Buffy au début, que quand Angel est là, en fait le reste est tout terne et n'existe plus. C'est tellement beau. Et les paroles, ouais. Si on parle. C'est un amour d'adolescent, quoi. Si on parle un petit peu des paroles de la chanson, donc ça évoque une séparation et quelqu'un qui va se rappeler très longtemps de son amour. Mais on peut y voir, si on est un peu, si on est un peu pointillé, on peut voir aussi un double sens. Ça peut aussi être un deuil, en fait. Ça peut aussi être une personne qui se sépare de quelqu'un qui vient de mourir. Ouais. Et là, on est complètement dans le personnage d'Angel qui est mort et donc qui ne peut pas être l'amoureux de Buffy. Buffy, elle est vivante, en fait, c'est ça aussi qui est important dans cette relation entre Angel et Buffy. Ils ont beau être amoureux, ils ont beau être pareils, dingues l'un de l'autre et faits pour être ensemble, il y en a une qui est vivante et l'autre qui est mort, et donc ils ne peuvent pas être ensemble. Romeo, il y a une différence d'âge tendue aussi, quand même. Ouais, socialement parlant, ça passe mal. En Californie, ça ne serait pas passé, le même fait qu'il soit dans sa chambre. C'était très mignon quand il était allongé à côté du lit, comme c'est très série adolescente. Mais oui, c'est ça. Complètement. Oui, c'est un ça. Il y a du teen. Ouais, non, mais c'est ça. Un peu Dawson, un peu Angela 15 ans. Oui. Non, mais c'était. Et là, et ce dernier blanc, la croix qu'il porte. Oui, qu'il lui a offert. La croix qu'il lui a offert en premier épisode. Premier épisode, la croix qu'il lui a offerte. Et c'est marrant, c'est que non, ils disent tous les deux, c'est douloureux. Il y en a un pour qui c'est physique, c'est concret, et l'autre pour qui c'est métaphorique, en fait. C'est painful, c'est très douloureux. Ouais. C'est parce que c'est une histoire qui est comme ça. C'est une histoire qui est douloureuse, qui restera gravée dans leur corps, à deux, comme donc la croix dans le torse d'Angel. C'est une cicatrice un petit peu cette histoire. C'est très douloureux. Et ben c'est fini. C'était si rapide. C'est passé vite. On peut le refaire. C'est passé super vite. 42 minutes. J'espère que vous avez gardé des choses à dire. Il y a plein de choses que j'ai pas pu dire. Moi j'ai dit un tiers, je pense, de ce que j'ai noté. C'est ça. Donc on va en profiter pour en parler là pendant la conclusion, parce que c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est la conclusion. C'est l'heure de la conclusion. Jingle. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors, conclusion, moi j'ai plein de trucs à dire. Ah putain, alors, pardon. Préparez les oreilles, Bon, j'ai des petites anecdotes à la con, comme ça, pendant le maquillage, ça prend entre 1h et 1h30 à David Boreanaz pour changer de tête. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs plans là, comme ça, où il passait de l'un à l'autre, entre chaque, fallait hop. 1h30 de pause pour les gens, pour l'équipe. Son blouson Hugo Boss a coûté 1000 dollars, l'équivalent de 6000 francs. Pour un clodo, il s'habille quand même vachement bien. Ça, c'est dans le bouquin. On a le même guide, hein. On a le guide officiel. En français ou en franc belge? Il est là. Est-ce qu'on prend en compte l'inflation depuis les années 90? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent This Is Us par ici? La série? Oui, moi j'ai regardé un peu les trois premières saisons, mais après sur la suite, je suis pas à jour. Il y a un épisode qui s'appelle Flip a Coin, dans lequel il y a une adolescente vautrée sur un canapé qui regarde cet épisode de Buffy. D'accord. Elle s'appelle Kate, c'est Kate qui regarde ça. D'accord. Ah, ok, d'accord. Alors, après, il ne commande pas l'épisode. Elle a un poster de Buffy dans sa chambre. Ah oui, oui, oui, oui. On adore Kate, elle est formidable. Mais oui, bon, Kate. Voilà. Meilleur perso, merci personnellement. Gros bisous, super. Gros bisous à Kate. Exactement. Alors, j'avais aussi. Après, je vous laisse la parole, évidemment. Mais alors, j'avais des trucs que je n'ai pas eu le temps de placer. Ah oui, une réplique, mais fallait qu'on en parle. Une réplique parfaitement méta et géniale de Willow, arrivée à la bibliothèque, qui dit à Giles, vous savez toujours ce qui se passe et moi je suis au courant de rien. Ouais, oui. Et, c'est si mignon. C'est une manière, comme tu dis, mignonne et super maline d'expliquer au spectateur, parce que ça c'est une question aussi que se pose poser le spectateur de la série. Qu'est-ce qui branle Giles ? Ça fait 7 épisodes qu'il voit la série et Giles il a toujours les réponses à tout et tout. Et là, par l'intermédiaire de Willow, par sa interrogation de Willow, on apprend que Giles fait des recherches la nuit dans sa bibliothèque, donc il peut apprendre des choses, donc c'est intéressant. On nous montre que ces scènes de recherche sont ellipsées mais elles existent. Attention, vous faites du bruit, il faut beaucoup. Excusez-moi, pardon. Faites du bruit, Riley. Donc, le sortir du placard, on en a parlé. Et oui, je voulais parler de la scène coupée. Je disais que Willow avait tout compris dans cet épisode. Oui. Et dans la scène coupée, donc l'échange qu'elle avait avec Xander avant d'aller au cours de géométrie, hein, c'est très important. Xander, il s'énervait parce qu'il disait ah, le gars est un vampire, donc elle l'aime plus que moi, c'est nul. Et Willow, avec toute sa sagesse, lui disait mais elle l'aime pas parce que c'est un vampire, elle l'aime bien que ce soit un vampire. Mmh. Et celle-là, c'est toute la différence. Et Willow a déjà tout compris des sentiments très forts qu'il existe entre Buffy et Angel, malgré les grosses différences d'âge, de genre, de race, je ne sais pas comment dire, de tout ce qu'on veut. Il y a vraiment des gros obstacles à leur amour. Ben c'est tout ce que j'avais à dire. En conclusion, Clément, est-ce que vous aviez une conclusion ? Spike. Ah oui, il manque à l'épisode. Ah ouais. Non, pardon. Non, tu vas bien, Clément ? J'aime pas trop l'épisode parce que Ah mais t'es tout seul alors, raconte-nous. Non, mais c'est pour ça que je veux pas trop m'étaler non plus. Je suis pas fan d'Angel et enfin dès le début j'ai vu l'intérêt de ce personnage, le côté sombre, ténébreux et attirant pour cette jeune Buffy. Mais au final même pour le podcast, je l'ai regardé, c'est peut-être saison 1, donc forcément il y a pas beaucoup de budget, donc c'est pas ouf au niveau de la réal, mais dans l'absolu, vu que je suis pas émotionnellement proche d'Angel, ça m'a pas touché plus que ça. Réalisez votre conclusion. Oui, moi je trouve que c'est un épisode qui représente le plus ce qu'est le concept de Buffy finalement, ce qui est une tueuse de vampires, donc il y a tout le côté fantastique, et elle doit le gérer avec sa vie perso, sa vie de lycéenne et tout, et là les deux se confrontent parce qu'elle est amoureuse d'un vampire, donc ça change tout forcément, et c'est très bien fait dans cet épisode, tout se mélange, j'adore, moi je trouve ça génial. Clément, tu n'as rien compris. Mais peut-être. Et on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, mais donc David Greenwald qui a écrit l'épisode, il résume. Enfin, les autres scénaristes qui vont passer derrière, qui vont écrire toutes les relations Buffy Angel, ils vont faire que tirer sur le fil. Que tout est là. Tirer sur le fil que ce que lui a établi dès le départ sur la relation. Maureen, une conclusion peut-être. Non, moi je trouve qu'effectivement on en est au balbutiement de la saison 1, mais que du coup en fait c'est rigolo parce que comme je disais, ben tout s'installe en fait dans cette mythologie, ne serait-ce qu'effectivement à pointer le 7e épisode de chaque saison qui détient effectivement la clé sur ce qui va se passer après. Là effectivement au lieu du monstre de la semaine, David Greenwald a posé du coup tous les jalons, et du coup effectivement je trouve que cet épisode est hyper fort parce que ça pousse toutes les bases pour la saison 2 et tout ce qui va découler de ça. Je suis fan de Buffy Angel, je le suis depuis la première heure, le premier épisode, la première diffusion, donc en plus c'est marrant parce que dans l'épisode précédent c'était Xander qui était possédé par les hyènes et tout ça, donc il y avait aussi cette question de la possession, est-ce que je suis moi quand je suis possédé par une entité démoniaque ou non. Et du coup, avec The Pack. Exactement, avec The Pack. Et du coup, là, on était un petit peu... Voilà, ils ont abordé le sujet avec Xander. Et ensuite, là, dans cet épisode, on tacle vraiment le sujet entre qu'est-ce que c'est, parce que c'est un vampire avec une âme. Et en plus, ça, c'est un sujet qui sera hyper pointu dans la série et qui soulèvera d'ailleurs de nombreux débats parce que du coup, qu'est-ce que c'est qu'un vampire avec une âme ? Est-ce que Giles le dit, c'est le démon qui s'empare de toi, t'as plus de conscience, t'es mort en fait. D'ailleurs, ils le disent aussi dans le pilote. Jesse, le pote de Xander et Willow, quand il se fait buter, il lui ressemble, il parle, il marche comme Jesse, mais c'est plus du tout Jesse. Et du coup, effectivement, c'est vraiment, justement, c'est pour ça que cet épisode 7 est important, c'est parce que il déroule un petit peu, ça y est, on commence à créer vraiment le Buffyverse avec toute la mythologie autour des vampires et autour de qu'est-ce que c'est que d'avoir une âme ou non, qu'est-ce que c'est que d'être un être démoniaque. Donc ouais, non, moi je trouve que c'est pour un pour un premier, c'est un bon tour de force là. Conclusion, mademoiselle, une conclusion ou pas du tout peut-être. Alors, j'ai pas réellement une conclusion précise. Ah. C'est en revoyant cet épisode, et ça rejoint un petit peu le fait que la mythologie se met en place, c'est que cet épisode, je me suis rendu compte, il y a tout un tas de premières fois dans cet épisode. C'est le premier previously, il y a le premier prologue, on l'a jamais vu encore jusque là. Ouais. On a la première fois que Buffy invite Angel chez elle. On a la première séance d'entraînement entre Giles et Buffy. Le premier baiser entre Buffy et Angel, bien entendu. Bien vu. On a la première fois qu'on voit l'appartement d'Angel. Voilà, plein de premières fois dans cet épisode. Voilà. L'épisode des premières fois. Enfin, Cheval, des choses à ajouter ? Ouais, moi en fait, j'aimerais bien réhabiliter finalement un peu le personnage d'Angel. Parce que après avoir vu cet épisode. Enfant de cheval a tout compris. Je le trouve hyper intéressant et je trouve je trouve qu'il représente incroyablement bien la virtuosité d'écriture en fait de Buffy contre les vampires. Je trouve ça assez fou. Parce que. Enfin, c'est un peu pompeux comme analyse, je pense. Mais je trouve qu'Angel, il représente très très bien le concept psychologique. Du ça, du moi et du sur-moi. Ah, oui, tu m'intéresses. Que je trouve énormément. Assez incroyable, en fait. Je vais lire mes notes parce que c'est assez dense. En fait, les êtres humains, ils sont mus par des pulsions. Et les deux pulsions qui sont les plus fortes, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Donc la sexualité et la mort. Et Angel, il est complètement mu par ces deux pulsions-là, qui sont représentées par Angelus, en fait. Et... ce qui est très intéressant, c'est qu'en psychologie, quand il y a un problème de gestion de ces deux pulsions... C'est souvent des cas de psychopathie. Et je pense qu'Angelus a vraiment des traits de personnalité de psychopathe. Et ce qui est intéressant dans cette analyse justement du moi, du surmoi et du moi, c'est que, en gros, en psychologie, le ça, c'est la personne qui, en nous, qui n'arrive pas à gérer ses pulsions, qui vit sans notion de bien et de mal. C'est l'animalité. Donc c'est Angelus, en fait, c'est le démon. À côté, on a le surmoi qui est là pour gérer cette animalité, pour dire non, ce que tu fais là socialement, c'est pas bien, c'est pas correct. Ça serait son âme. Et ça serait son âme. En fait, c'est Angelus parce que le surmoi, quand il est trop fort, il peut amener à faire culpabiliser et à donner une dépréciation de soi-même, ce qui est complètement le personnage d'Angel. Et au milieu de ça, je pense qu'en fait, il y a tout simplement l'être humain qui est Liam, qui est tiraillé entre les deux, et qui a d'un côté sa conscience qui dit non, ça ce que tu fais c'est pas bien, et de l'autre côté qui a ses pulsions qui dit mais moi ça ce que je veux, bah c'est ça en fait. Et je trouve que le personnage d'Angel, il est en fait incroyablement bien écrit, et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je revisionne cet épisode. Donc en fait, je suis toujours pas Team Angel, mais je le trouve extrêmement intéressant. Je trouve génial. On aurait dit que oui en fait, non, mais t'as bien fait de venir pour faire ma analyse. Merci Angel. Beaucoup. Et oui, au final, sa vampirité fait partie de lui. Il ne veut pas être vampire parce que la communauté des vampires l'empêcherait d'être humain. Ouais. Mais en étant humain, il ne veut pas non plus. D'ailleurs, il peut pas se défaire de sa vampirité. Donc, c'est toujours là en fait. C'est l'épisode qui te montre que il doit faire avec les deux. Il doit être complet. Ouais, parce qu'en fait, t'as juste Angel et Angelus, c'est deux faces d'une même pièce qu'est Liam en fait. D'où le titre VF est à côté de la plaque. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'il est pas que Angelus. Justement, il le symbolise avec son tatouage de lion ailé, un griffon. Mais ce qui est hyper intéressant avec le symbole du griffon, c'est qu'à la base, il est issu d'un bouquin qui s'appelle le livre de Kells, je crois. Oui. Et que le griffon, il est souvent représenté dans ce bouquin avec un livre et une épée. Et en fait, ça représente à la fois l'état de paix et l'état de guerre. Ouais. Et ce par quoi, en fait, Angel est complètement tiraillé. Et ça vient d'Irlande, justement, là, ce livre de Kells. Et Liam est irlandais. Incroyable. Tout est lié. Ben merci pour cette conclusion très très riche, ces conclusions extrêmement riches. On va passer à la rubrique des invités. Ben oui, c'est la rubrique des invités. Génial. J'avais oublié. Tout de suite, c'est la rubrique des invités. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Elle est gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors oui, les invités, trois invités incroyables que nous avons ce soir. Mais encore merci. Encore merci, mesdemoiselles, d'être venues. Merci à vous de nous avoir invités. Merci d'avoir gagné de le quiz. Si on ne s'y attendait absolument pas, hein. je tiens à préciser. On refait un gros bisou à Alexandra, l'organisatrice de la soirée, parce que c'est elle qui a eu l'idée de faire gagner une invitation dans le podcast. Merci Alexandra. Il faut le noter. Elle a de bonnes idées. Et donc, enfant cheval, Rimomo Maureen, vous n'allez pas échapper aux questions rituelles. Aux trois questions rituelles. J'ai donc là, préparé. Vous devez vous débrouiller pour répondre la même réponse. Non, je déconne. quel est votre épisode préféré de la série? On peut choisir en deux parties. Non, c'est pas à négocier. Ah si, non, mais c'est trop difficile. Non, c'est trop difficile. Je sens beaucoup de stress monter en moi. Tout ouais. Non, j'ai déjà abordé cette question hier avec un très bon ami à moi et c'est impossible. Tu ne répondras pas à cette question. Tu resteras sans réponse. Bah écoute, ouais, je pense que je resterai sans réponse parce que il y a moi la saison 2, c'est ma préférée, donc c'est impossible. Ça se bouscule dans mon esprit là. C'est... Voilà, sa réponse c'est la saison 2. Saison 2. OK, voilà. très bon épisode, incroyable. Ted en saison 2, mais il y en a trop qui se... Rinmomo, est-ce que vous allez nous faire une réponse, une vraie réponse avec un vrai épisode? Une vraie réponse, oui, il y a une vraie réponse. J'y ai longuement réfléchi. Alors déjà, par défaut, j'élimine tous les épisodes un peu spéciaux. Tout ce qui est Restless, Hush, Once More With Feeling. J'élimine tous les premiers épisodes de saison et tous les derniers épisodes de saison, parce que je trouve pas ça... C'est triché. Enfin, c'est pas légitime. Enfin, c'est triché. Manger des pains au chocolat à Corentin, c'est pareil. C'est triché. Donc, après une très longue réflexion, j'ai choisi Passion, la saison 2. Ah ouais. Parce que l'épisode est génial. Il y a la voix off d'Angel, il y a la musique, il y a Cordelia. Cordelia qui est hilarante. Alors, il y a un private joke avec Grand Poulet. Cordelia qui fait chier tout le monde, enfin qui... enquiquine tout le monde avec son histoire de voiture, qui dit qu'elle a donné sa voiture à sa grand-mère, qu'elle lui a dû parler des vampires. Mais qui s'en fout, quoi. Elle veut un sortilège pour sa voiture, etc. En fait, c'est tout ce mélange qu'il y a dans cet épisode entre le drame, l'humour, la tension, tout ça, la mort de Jenny, bien sûr. Et on a tout ça en même temps. On rit, on pleure, on a peur. J'aime beaucoup. Enfant cheval. Je suis bien embêtée parce que j'avais choisi Passion aussi. Ah, dur. Mais peut-être que tu n'aimes pas pour les mêmes raisons. Vous avez le droit d'avoir le même épisode préféré. Mais je vais en donner un autre que j'aime particulièrement. Moi, c'est Fool for Love. Alors, mon Passion arrive en premier, mais je pense que Fool for Love arrive en deuxième, que je trouve juste incroyable dans sa mise en scène sur comment on approche le personnage de Spike. Cette mise en scène notamment qu'il y a dans le métro à la fin quand on voit le Spike du passé qui parle à la caméra comme s'il s'adressait déjà à Buffy, que je trouve juste mis en scène d'une manière incroyable, et juste James Masters dans cet épisode, il est hyper touchant. Cette fin où elle lui dit tu n'es pas digne de moi, qui va représenter en fait toute leur relation future, où elle va s'obstiner à se dire non, en fait, je t'aimerais pas parce que tu seras jamais digne de moi jusqu'à l'épisode final. Ouais, c'est un peu l'équivalent de l'épisode sur Angel. Ouais, c'est ça. Des épisodes 7. Encore, parce que Fool for Love, épisode 7 de la saison 5. Donc, épisode incroyable. L'autre question rituelle, c'est comment vous avez découvert la série? Facile, ça. Hein. Vous n'avez pas préparé? Non, normalement, moi, je vais pouvoir parler d'une autre série de cette manière. J'ai connu Buffy grâce à Charmed. Ah là là là là là là. Alors, non, mais elle s'en sort bien, mais jusqu'ici. L'enfant de cheval est banni. Non, c'est vrai. On passe une bonne soirée, c'est dommage. Merci beaucoup. Tu parles ton micro, enfant de cheval. Comme quoi, je remercie Charmed pour ça. C'est que cette série incroyable. J'ai les oreilles qui saignent. Parce que quand j'avais genre 10 ans, j'ai découvert Charmed et j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai commencé à acheter des magazines pour voir des articles sur Charmed. On est en train de perdre des viewers. Et comme ça, j'ai entendu parler de Buffy contre les vampires. Et un jour, j'ai regardé à travers la porte, mon frère regardait Buffy contre les vampires. Je disais non, je peux pas regarder ça, ça fait trop peur, je suis beaucoup trop jeune. Quand j'ai eu l'âge, quand j'étais assez grande pour regarder Buffy, j'ai dit maintenant je regarde Buffy. Charmed, c'est terminé, c'est derrière moi. Bien joué. Donc grâce à Charmed, qui n'est pas une série forcément incroyable, j'ai découvert cette série incroyable. Ouais. 15 ans après, j'en parle dans un podcast, même 20 ans après. 25 ans. Merci. Bravo. Charmed. Mais oui, merci. Mais non, mais ça lui a permis de découvrir banni. Buffy. Je vois pas quel est le problème. Franchement, merci. Non, on nous l'avait jamais fait de celle-là, mais ouais, bien joué. Mesdemoiselles, d'autres manières d'aborder la série Des meilleures manières. Par Code Quantum ou... Oui, alors, Loïc, c'est clair. Ouais. Alors oui, je regardais Code Quantum, je regardais X-Files, je regardais les Contes de la Crypte. Voilà. Au-delà du réel, tout ça. Et donc, effectivement, je me rappelle qu'on avait vu tous les... Enfin, avec mes parents et ma sœur, on avait vu les jingles pour Buffy. J'ai pas souvenir d'avoir vu le premier double épisode, mais j'ai souvenir d'avoir vu celui d'après avec la sorcière et Amy. Ça, je me rappelle, au moins c'est le premier épisode, ou peut-être que c'est que le deuxième, mais c'est ça mon premier souvenir Buffy. Donc en 97, toute jeune, sur le canapé avec les parents, la grande sœur. Voilà. Avec grand poulet. Avec grand poulet. Pareil. Ouais, moi j'ai vu le. Je dormais chez une copine, je me souviens très bien. Et du coup, on a allumé la télé. Parce que j'avais vu qu'il y avait ce truc de Buffy contre les vampires, je me souviens très bien d'être dans son salon et d'allumer la télé, et en fait, genre le côté film d'horreur avec Darla et ce gars qui rentre au lycée, il fait nuit, ça fait peur et tout ça, et d'être complètement mais retourné dès les premières secondes, parce que bien évidemment, tu t'attends à ce que ce soit le mec qui agresse la nana, et en fait, elle se retourne, c'est un vampire. Et là, je me suis pris une grosse claque dans la gueule du haut de mes 8-9 ans, ouais. Et du coup, voilà, j'en suis jamais revenue, en fait. Donc, j'ai tout continué. Et voilà, ça m'a mené ici. C'est une religion, Buffy, de toute façon. Donc, voilà. Buffy, c'est la vie. Tu pratiques ou tu pratiques? C'est comme ça qu'il m'a eu, Sartman, en me disant cette phrase. Moi, je pratique à fond. Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que donc tu as une activité en rapport avec Buffy dans la vraie vie, enfant de cheval. Enfant de cheval. Hein, non, mais il tient à la particule. Je sais pas en fait. Mais moi, je sais pas non plus. Officiellement, c'est enfant cheval, mais quand on me respecte. Non, mais. Putain! C'est enfant cheval. Enfant de deux, on va dire enfant cheval. C'est enfant cheval. Mais je sais pas pourquoi il veut rajouter le 2. Par respect, sûrement. Madame cheval, si tu préfères. Madame enfant cheval. Non. Restons sur enfant Joke. Cheval. Joke. Mais voilà. Enfant. Tu as traduit un article des Buffy Studies en français. Ben, ça, c'est important. Ah, ça. Mais oui. Bien ça, Clément. Félicitations. Bien sûr. Donc, les Buffy Studies, des gens qui font des articles sur Buffy, qui font des recherches et qui parlent de Buffy comme sujet d'étude, il y en a depuis très très longtemps, mais c'est vrai que c'est souvent en anglais. Ouais. Et toi, tu t'es dit, oh, ça me pas terrible, ça serait bien que ça soit. Et donc là, tu nous as traduit l'article, donc il s'appelle Un peu moins de rituel, un peu plus de fun. Le vampire moderne dans Buffy contre les vampires. Donc un article écrit par Stacy Abbott en 2001 et donc qu'on peut enfin lire en français, c'est ça? Oui. Alors où est-ce qu'on trouve ça? Dis-nous tout. Alors c'est sur le site Slayage du coup, qui est géré par Rhonda Wilcox, qui sort des numéros en gros tous les semestres d'études de Buffy, donc ça dure depuis 2001, parce que celui que j'ai traduit, c'est un article qui est sorti dans la toute première revue, et là, le nouveau numéro vient de sortir, et du coup, je vais traduire un article par revue, pour le moment. Voilà, donc tous les... il y en aura d'autres. Bah, le suivant est déjà envoyé, il est en correction, édition, et je suis en train de traduire. Quand on dit article, c'est 25 pages. Il y en a des plus, c'est pas des articles, de première magazine, c'est des essais, plutôt. C'est clairement des essais, tout à fait. Mais du coup, ouais, et comme les Buffy Studies, c'est vrai qu'en France, c'est quand même pas hyper répandu, alors qu'aux États-Unis, il y en a énormément. Je trouvais ça un petit peu dommage. Et j'ai proposé ça. Cet article est super intéressant. Il explique comment Buffy utilise les codes du gothique vampire traditionnel pour mieux, alors dans un premier temps, moderniser. Les détourner un petit peu, puis après les moderniser, carrément passer par là-dessus. Et ça tombe très bien avec l'épisode de ce soir, parce que c'est. T'en parles en plus dans l'essai, du coup. Enfin, t'en parles. Tu le traduis dans l'essai. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, le fait que. Toute la mythologie autour d'Angel, les croix, les cicatrices, tout ça. Toute l'imagerie. C'est utilisé dans un premier temps pour dire regardez, nous on fait les vampires, on fait comme les vampires que vous connaissez, de la Hammer, Nosferatu, tout ça. On l'a répété plusieurs fois dans ce podcast hein, que le maître fait beaucoup penser à la de Nosferatu. Et sauf qu'en saison 2 arrive un type qui s'appelle Spike ouais. qui bouleverse tout, qui dit bah non bah là c'est fini les vampires à la papa, on est des vampires modernes, un peu rock'n'roll, ouais. Qui préfèrent l'articampa. Préfère se vanter d'avoir été à la Woodstock ouais. plutôt qu'à la crucifixion. Voilà, ils sont plus du tout ils sont moins dans le religieux. Alors que c'est vrai, ça, les ouais. vampires de saison 1 avec l'ordre d'Aurelius, les trois qu'on a vus ce soir. Les trois, c'est très très c'est que de la référence religieuse, tout ça. Enfin, article passionnant, allez le lire. Et ouais. alors, toi, à traduire ça, est-ce que ça t'a pas donné envie d'écrire même de toi-même des articles bah, si. Peut-être si, ah ouais, si. Voilà. Ça m'a donné envie, alors je sais pas encore si ça m'a donné envie d'écrire des articles ou de me lancer dans un podcast, on verra. Mais c'est plus facile les podcasts hein, que d'écrire. Ouais, ah bah je sais pas, tu vois, je trouve ça plus facile de construire un écrit qu'un podcast. Ah d'accord. Tu fais un spin-off de Pourquoi Buffy, c'est génial. Carrément. Si tu fais un podcast Buffy. Bah peut-être, bah, l'idée que j'ai en tout cas, ça serait de alors écrit ou podcast, je ne sais pas encore, hein, mais d'aborder la série à travers des thèmes. Oui. J'ai déjà une liste d'une soixantaine de thèmes que je vais aborder, donc ça va petite être compliqué, petite liste. Mais notamment, bah, la première, un truc sur le conditionnement. Sur le conditionnement que je trouve très très intéressant, traité dans la saison 4 en particulier, qui est pas du tout aimé par les gens en général, mais qui finalement traite d'un thème d'une manière hyper intense, qui est le conditionnement justement, comment on amène quelqu'un à devenir plus socialement acceptable. Par des biais pas toujours très très moralement acceptables justement. Bah une puce quoi, c'est ça. C'est pas terrible. Et c'est un thème qui est abordé par Angel aussi, mais lui il a été conditionné par la religion, par un exorcisme et ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. Du coup oui, ça m'a donné envie d'écrire aussi sur la série effectivement. Putain, plein de choses intéressantes. Bah oui, donc on mettra le lien dans la description du podcast et oui, et donc pour avoir le pour comment dire pour être informé des prochaines publications, donc sur Slayage, c'est ça, ils ont un Twitter. Ouais, hein. Tous les 6 mois, elle publie un nouveau numéro, mais je suis pas sûre qu'elle l'annonce. D'accord. Il vaut mieux aller sur le Discord pour quoi ouais. Buffy c'est exactement. T'as plus d'infos. Il se passe plein de choses sur le Discord. C'est direct la traductrice suivre, qui te dit. Sur les actualités. Mais ouais, ça voilà, c'est. Ou on te contacte, voilà, enfant cheval. Voilà. Enfant pas, cheval. Papa d'enfant de cheval, enfant cheval, et tu nous donneras les infos. Mais il y en a en préparation en tout cas. C'est super cool, c'est super cool. J'ai hâte. On passe à la suite ? Allez, quand Allez. Tu veux. Alors. C'est quoi la suite ? Ah bah, la suite, c'est Reaper. Ah, la meilleure série, Épisode. Épisode 6. Épisode 6 de la série Reaper, avec comme d'habitude des guests incroyables, notamment une présente ce soir, hein, je crois, Maureen, je crois que tu joues dans cet épisode, rappelle-toi, c'était il y a longtemps. Tu te rappelles hein. Souviens-toi bien. Tout à fait. Souvenir mémorable d'enregistrement. Oui, tu n'es pas la seule. On peut citer tous les guests de cet épisode. Il y a Fabrice, le président du fan club Limousin de Pourquoi Buffy c'est génial. Il y a évidemment Big M incroyable dans un rôle d'étudiant étranger. Nous avons Faye Fanel en barmaid que vous connaissez bien maintenant si vous suivez la série Reaper. Il y a également Stavro que vous aviez entendu lors justement de l'épisode hors série de Pourquoi Buffy c'est génial consacré à la série Angel. Il était venu nous parler de ce formidable personnage et de cette série. Et aussi Goulouen, notre ami de Bretagne qui vient faire une voix aussi. Donc voilà, plein de guests incroyables dans cet épisode. L'épisode donc qui s'appelle Les Toilettes du Sixième. Vous allez voir, c'est tout un programme et c'est maintenant. Reaper. Épisode 6. Les toilettes du sixième. Salut, c'est Philippe, mais je ne suis pas chez moi. En fait, je vous parle par l'intermédiaire de mon tout nouveau répondeur automatique. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette incroyable technologie, dans quelques secondes... Oh, mais quel relou avec son répondeur tout pourri. Vous allez pouvoir... Bien entendu, Probewell qui prend de plus en plus de place à l'époque au sein du pouvoir est conduit à accepter ce procès et à y participer. Ce procès, donc, du roi, a lieu du 20 au 27 janvier 1600. Salut Rupert, ça va ? Ouais. Dis donc, ça a l'air drôlement chiant ton cours, là. Ça parle de quoi ? Non mais, Paige, t'es même pas inscrite à ce cours. Pourquoi t'es là ? Je cherche Phil, en fait. Ça fait 2 jours qu'il m'a pas appelé. C'est bizarre. Non mais, ce qui est bizarre, c'est que tu puisses pas te passer de Phil pendant plus de 2 jours. C'est du domaine du surréalisme, là. C'est surtout que je voulais lui demander si... Non mais, chut, ça m'est égal. Ils viennent plus à ce cours depuis un moment. Et Ethan m'a dit hier qu'ils avaient monté un projet commercial ensemble. Ils essayaient de monter un business, quoi. Voilà, ils sont sûrement ensemble, c'est tout. Ils font ça sans toi ? Ça te dérange pas ? Bah, ils m'ont surtout pas demandé mon avis, quoi. Et puis, contrairement à vous tous, j'ai pas encore totalement abandonné l'idée de faire des études. Même si c'est chiant, je te l'accorde. Est supprimée et la royauté abolie. Très bien, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vais vous donner vos notes du dernier examen qui, je vous le rappelle, compte pour 32% de votre note finale. Adams, A. Biskin, D-. Christopherson, A. Claudie, A. Ellis, A. Finn, c'est moi. Giles, c'est moi. Gmeudel. C'est moi, c'est pas mal, Rupert. Non, c'est pourri, tu peux le dire. C'est pas avec des notes comme ça que je vais pouvoir... Que tu vas quoi ? Rien, oublie. Moi aussi, il faut peut-être que j'arrête la fac. Mais dis pas ça, t'as peut-être besoin juste d'un coup de main. T'entends, ils ont pratiquement tous UA dans ta promo. Il y en a peut-être un qui peut t'aider à mieux comprendre. Quoi ? Anzanares, A. Nika Kerry, A. Mais oui ! Même les étudiants étrangers ont une meilleure note que moi, c'est pas possible ! Et Ludwig ? Ya, Rupert. Comment t'as fait pour avoir un A ? Tu parles même pas la langue ? Das kann ich nicht verraten, es ist ein Geheimnis. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'est un secret, mais attends. Siehst du das Mädchen dort ? Verrat mir dein Geheimnis und ich organisiere dir ein Date mit ihr. Ah, ich sehe da 2 schlagkräftige Argumente, ja. Ja. Pourquoi il me regarde comme ça ? Non mais pour rien, t'inquiète. Aber du musst mir versprechen, es niemandem weiterzuerzählen. Promis, Ludwig, je le dirai à personne, c'est promis. Ihr müsst auf die Toilette im 6. Was ? C'est quoi, Toilette ? Les toilettes du 6e étage. Si on veut savoir son secret, bah c'est là qu'on doit aller apparemment. Salut, c'est Philippe, mais je ne suis pas chez moi. En fait, je vous Allô, parle par l'intermédiaire Philippe, de mon mais tais-toi. Laisse-moi parler. Ouais, je sais, c'est un peu la qu'est-ce que tu dis ? Non, mais c'est un répondeur, Rupert. C'est nouveau, c'est pour laisser des messages qu'il pourra écouter plus tard. Mais quel est l'intérêt de l'écouter plus tard ? Mais cherche pas, dis-lui juste ce que tu avais prévu. Ce que vous allez dire va être enregistré sur bande magnétique afin que je puisse l'écouter ultérieurement. Je sais, c'est de la science-fiction, ça m'a coûté une fortune. Allez, gros bisous. Oui, donc c'est moi, enfin c'est Rupert, Giles, enfin je... Alors, bon, c'est pour vous prévenir, toi et Ethan, qu'avec Paige, on va explorer... Bon, Paige, on y va, de toute façon, je la rappellerai après. Puis ils sont sûrement aux tavernes, là, comme d'habitude. Donc oui, quand tu disais les toilettes du 6e... C'est bien ça. Tout simplement des toilettes immondes au 6e étage d'une fac que personne n'a lavé depuis des siècles. C'est une légende cet endroit. Le 6e a été fermé il y a 15 ans à cause des infiltrations d'eau. C'est interdit de venir ici, mais il y a des histoires qui circulent parmi les étudiants, tu vois. À la nuit tombée, des bruits étranges viendraient de ces toilettes. Des bruits étranges comme des bruits de pas, par exemple ? Non, plutôt des bruits dégueux. Des bruits de... Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Bah oui, c'est ce que je te dis. Vite, là. Ouais, viens, on va se cacher là. Mais enfin, mais Laura, mais tu nous as fait extrêmement peur, là. Qu'est-ce que tu fais là ? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là ? Les chiottes pour vous tripoter avec ta meuf, c'est au 4e, Rupert. Non, mais je suis pas sa meuf, mais bonjour quand même. Moi, c'est Paige, enchantée. Laura, vous êtes là pour la boîte, alors ? Oui, tout à fait. La boîte, effectivement, voilà, c'est pour ça qu'on est là, hein. La boîte pour nous aider à réussir les examens, bien sûr. Bah oui, surtout que je suis pas sa meuf, donc je vois pas pourquoi on serait là si c'était pas pour la boîte. Ok, bon, bah, je vais quand même vous expliquer, vu qu'a priori c'est votre première fois. C'est derrière ce radiateur là. Regardez, ça s'ouvre. Et c'est là que se trouve la boîte de Baldur. Oh là là, mais elle est toute petite. Et très très moche cette boîte. Oui, et on dirait presque que c'est fait en matière fécale. Ouais, c'est un peu cracra, mais on s'y fait vite, hein. Il suffit de glisser dans la petite fente juste là. Une enveloppe, là, avec son nom, la réussite qu'on veut, exam, amour, sport, je sais pas quoi, et 200 livres en liquide, et bim, c'est exaucé. C'est tout ? Bah, c'est tout, mais faut éviter quand même d'en parler à un maximum de monde, hein. C'est la seule condition, mais celui qui vous a donné l'info a dû vous le dire, non ? Ah oui, oui, et en allemand en plus. Non mais, vous trichez tous ! Et c'est pour ça que tout le monde a eu un A et pas moi ? Ouais, mais c'est bon maintenant, tu sais que tu vas pouvoir les avoir, Théa, toi aussi. Alors là, bravo, alors là, tout va bien, hein ? Mais quelqu'un s'est déjà demandé comment ça marche ? Qui jette le sort de réussite ? Parce que c'est de la saloperie de magie, on est d'accord ? Ben ouais, justement, c'est magic. Y'a pas besoin de se prendre la tête, Rupert. Du moment que ça marche, ça fait de mal à personne. Mais c'est là que tu te trompes, ma petite Laura. Les tours de magie, ça a toujours des conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, la porte est fermée, on peut plus sortir. La boîte ! Regardez la boîte ! Elle grandit ! Mais c'est quoi ces bras qui lui poussent ? Restez derrière moi. Votre souhait est refusé. Le paiement doit être complet. Mais ça veut dire quoi ? Laura, t'as pas mis d'argent dans ton enveloppe ? Mais si, mais j'avais que 150. Je pensais que ça passerait. Le châtiment pour cette offense sera la mort par mastication. Non. Promis, je vous rembourserai la prochaine fois. Éloignez-vous, je vais tenter quelque chose. Mais regardez, la boîte bouffe carrément les lavabos. Lisi tufa ki zwitlin zaganagese. Lisi tufa ki bui dislu zanagadegese. Lisi tufa ki bui dislu zanagaze. Mais comment t'as fait ça ? Elle a retrouvé sa taille normale ? Ah, c'est bon, la porte est ouverte. Merci Rupert. Bon, à plus, hein, moi j'y vais. Sympa ta pote, Rupert. C'est plus vraiment le moment de rigoler, là. Le sort que j'ai lancé est seulement temporaire. Je peux pas faire mieux. Bon, on doit absolument réunir Phil et Ethan pour utiliser le livre et détruire cette boîte. Je suis d'accord. Bon, on y va alors. Non, avant tu vas me dire la vérité, Rupert. La vérité, par rapport à quoi ? Par rapport à toi, à ton tour, là, que tu viens de sortir de nulle part. T'as jamais été franc depuis qu'on parle de magie. Je bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas tout dit. Ok, Paige. Je vais tout te raconter, mais pas ici. London Tavern, j'écoute. Qui ça ? Phil et Ethan. Non, ça me dit rien. Ah ! Oui, eux ! Oui, ils sont là en ce moment, ils passent leur vie sur mes banquettes. Hé, hey, les connards ! Téléphone pour vous ! Ouais, salut, c'est Ethan. Ça va, mec ? Sérieux ? Mais vous allez bien ? Ok, on arrive. Et tout ça est totalement déductible des impôts ! Mais... comme on vient de te l'expliquer, c'est un projet qui est sans risque, ok ? C'est sans risque. C'est un tout nouveau modèle économique, jamais vu nulle part. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train, avant qu'il soit trop tard. Pardon de vous couper, mais mes filles, il faut vraiment qu'on y aille, là. C'est Rupert et Paige, ils ont besoin de nous. Ok, bah de toute façon, je crois qu'on a fini avec monsieur, hein ? Convaincu, je pense. Si. Clé ou si. Parfait, ça. Alors, pour nous rejoindre notre cercle très fermé d'initiés, tout ce que tu as à faire, c'est de nous remettre, comme convenu, la modique somme de 500 livres. 500 livres, c'est une broutille, hein, c'est une paille. Et nous te dirons comment faire pour que cette charmante Cynthia, du TD d'égyptologie, n'ait Dieu que pour toi. Entonces c'est bon, il y a le compte ? Yep. Mon petit Ernesto, félicitations. Te voilà membre de la confrérie de Baldur. La seule confrérie de Londres qui exaucera tous tes désirs grâce à la boîte de Baldur que moi et Ethan avons créée. Et ouais, c'est nous qui l'avons créée. Laisse-moi maintenant te parler des toilettes du sixième. Qu'est-ce ? Mais que veut bien dire « qué » en espagnol ? Phil et Ethan n'ont-ils pas fait quelques cachotteries à Paige et Rupert ? Rupert a-t-il des choses à révéler sur la magie et son passé ? Comment fait la boîte de Baldur pour digérer les lavabos et les étudiants mauvais payeurs qu'elle ingurgite ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Repa ! C'était incroyable. Oh là là, mais putain, quel épisode. Le retournement de situation. Mais les mecs, au niveau de l'écriture, on est passé à un cran au-dessus. Ouais. Il y a de la virtuosité. Vivement là. L'épisode prochain. Ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'il sera mieux que celui-là. Et à un moment donné, quand il ouvre les toilettes là. Alors là. un grand moment là. Incroyable. En tout cas, c'était bien, ouais. Et puis, il y a des langues étrangères, on voyage un petit peu, hein, on change, c'est complètement exotique. La série n'a pas peur de prendre des risques au niveau de la langue. Comme dans Lost, il y a des personnages qui parlent arabe, coréen, voilà, c'est hyper important. On va rester sur du haut niveau tout de suite, parce que c'est l'heure de la rubrique de Clément. Il y a même un jingle. Ouais, c'est parti. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Hey, voilà, donc la rubrique de Clément, également appelée La prochaine sera plus drôle, ou bien L'inconvénient du live. Alors, comment c'est qu'elle a intérêt à drôle, ma chronique, sinon je suis coupé. Alors, pourquoi, d'après vous, j'ai l'air si jeune? Pourquoi on me demande ma carte étudiant quand je vais au McDo? Pourquoi je cartonne sur TikTok? Et pourquoi on me demande où sont mes parents quand je suis à l'aéroport? Pourquoi? Non, pourquoi? C'est une vraie question. Pourquoi? On sait, bah, t'es petit parce que... Oh là, non, ouais. Bah non, monsieur. Il fallait l'attaquer, hein. Tu as la peau douce. Eh bien non, c'est parce que je suis un vampire. Tout simplement. Je suis le vampire. Non, laissez tomber cette référence, vous ne l'avez pas, parce que c'est une chanson que j'ai inventée quand j'avais 12 ans avec mes copains. Et vous n'étiez pas avec moi à cette époque. Mais si vous entendez le mot vampire, n'hésitez pas à chanter cette chanson. Tu peux la rechanter ? Je suis le vampire. Donc, disais-je, vous n'étiez pas avec moi quand j'avais 12 ans, et d'ailleurs, personne n'était avec moi à cette époque, car je rappelle, je suis un vampire. Je suis un vampire. Et oui, j'ai été fait vampire à une époque reculée bien loin des préoccupations modernes. À l'instar de Michel Drucker, j'ai vu passer les âges, les guerres, les modes. Car je suis un vampire. Je suis un vampire. Des années 80. Ah, oui, je sais, ça fout le vertige. Non, mais je sais, c'était une autre époque, une époque très, très, très lointaine. Je suis un vampire qui rembobinait ses cassettes avec un stylo bic. Hein ? Oui, c'est vrai, tu sais. Je suis un vampire qui volait dans un ciel moins pollué. Je suis un vampire qui a connu les laserdiscs et la première rediffusion de Tron sur Canal+. Je suis un vampire qui n'a jamais su plier une carte routière. Qui baissait le son tous les premiers samedis du mois, qui a dépensé 150 francs dans une borne Street Fighter 2 et qui a été époustouflé en regardant Michael Jackson et Jean-Pierre Coff à la télé. Et oui, une télé en 4 tiers, évidemment. Et qui appelait le numéro surtaxé du Père Noël 35 65 66. T'es le genre de mec qui appelait. Tout à fait. Mais comment me direz-vous, avec cette longue vie faite d'expériences qui ont forgé une relative sagesse, mais comment es-tu resté aussi con? Eh bien, écoute, c'est une réponse que je donnerai lors d'une prochaine rubrique. Mais en tout cas, rassurez-vous, la prochaine sera plus drôle. Bah, c'était ta meilleure rubrique. Non, elle était foirée. On a rigolé quand même. Moi, j'ai rigolé. C'est vrai. C'est le principal. Et tu vas peut-être te faire couper au montage. Ah non, j'espère que non. L'humiliation. Non, c'est pas une humiliation de se faire couper au montage. Ça arrive à tout le monde. Hein. Toi-même, tu sais pas, tu peux te faire couper au montage. Hein. Tu sais pas. Tu vas couper enfin d'un cheval au montage. Tout est possible. Tu sais pas ce qui se passe dans la salle de montage. C'est la magie. C'est la magie. Entre toi et ton dieu, quoi. Entre moi et mes doigts. Attends, ça, on ne veut pas savoir. Too much information. Ouais. On passe à la dernière rubrique. Ouais, il y a encore une rubrique. The Last One. Après, c'est la qui? Allez, vous pourrez rentrer chez vous. Faire votre vie, prendre les vacances. Acheter des cadeaux. Revoir mon chat, je vous ai pas parlé de mon chat. Revoir votre chat. Ah, on va parler des chats. Comment il va ton chat? On en a rien à branler, surtout. Il va bien. Tout de suite, la rubrique. Si t'aimes mes filles, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, ouais, donc les 6 thèmes Buffy, tu vas aimer ça. C'est parti. C'est complètement parti. Et ben, j'ai envie de commencer. Parce que allez, c'est commencer. Commencer, Sarpman. Je vais vous parler d'un podcast. Non. Incroyable. Un podcast qui s'appelle. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien. Ah oui, je sais de quoi il parle. Un podcast ah oui, qui s'appelle. Oui. Mais vous allez me laisser parler, hein. On se calme. Un podcast qui s'appelle Bienvenue à Sunnydale. C'est un podcast français sur Buffy contre les vampires. Et oui, il y en a un autre. Et oui. Donc c'est des nanas très très marrantes qui décrivent les épisodes de Buffy et on rigole, enfin moi je rigole en tout cas, car elles font des blagues et elles mettent des extraits en VF. Alors déjà c'est génial oui. Parce que c'est une sorte de Madeleine de Proust pour moi, la VF. C'est vrai. C'est la trilogie du samedi. Bah, c'est, ça fait très longtemps que j'ai pu écouter la série, j'ai pu regarder la série en VF, mais là de la voir ça me rappelle cette époque, les années 90, tout ça, et mon amour pour cette série. Et c'est aussi ça, la série apparaît un peu plus débile qu'elle l'est quand, à chaque fois que c'est en VF. Donc les extraits sont toujours très rigolos. Et ça fait voyager, voilà. Ça fait voyager. Dans le temps. On voyage. Pour présenter le podcast, je vais utiliser leur propre description. Donc Agathe, grande fan de Buffy contre les vampires, initie Marion et Claire à cette œuvre culte de la fin des années 90. À coup d'un épisode, toutes les deux semaines, elle décortique avec plus ou moins de sérieux la série, ses enjeux et les chemises d'Angel. Voilà, donc on a compris, il y a des blagues. moi, oui. moi, je prends énormément de plaisir à les écouter. Hein. J'ai conscience que ce soit pas ça peut pas plaire à tout le monde. Parce que concrètement, elles apportent pas d'infos, quoi. C'est juste une description approximative de la série avec des blagues par-dessus. Et parfois même, elles se moquent de votre série préférée. Donc peut-être, parfois. Peut-être vous, les fans. Seulement parfois. Ouais. Peut-être vous, les fans, vous n'en avez pas apprécié. En tout cas, moi, ça me fait bouffer de rire à chaque fois. Je crois qu'il y a d'autres personnes sur cette table qui ont écouté le podcast. Peut-être que vous avez un avis différent du mien, peut-être. Ah bah moi j'ai écouté le podcast aussi, mais vas-y, parle. Alors j'ai écouté le premier podcast que j'ai écouté, le prologue et le pilote, j'ai pas spécialement apprécié parce que moi je m'attendais à des analyses en fait comme vous, donc forcément mes attentes étaient déçues, mais j'ai appris à apprécier leurs épisodes, enfin leurs podcasts, c'est assez drôle. Elles font ça avec beaucoup d'humour je trouve, enfin... c'est pas que c'est pas sérieux, c'est qu'elles ont de l'autodérision sur les épisodes, elles vannent un peu, enfin elles vannent Angel, elles vannent Giles, enfin voilà, c'est bon enfant, c'est sympathique, et finalement je trouve ça assez drôle de revoir la série comme ça. On demande sur le chat depuis combien de temps il existe, c'est un podcast assez récent. Qui a 2-3 mois, je crois. Il y a 6 épisodes. Ouais, il y a que. Ils ont fait. Elles en sont à. Ah, celui-là, du coup. À Angel, ouais. Les Yens. Exactement, elles viennent de faire les Yens et elles vont pas tarder à faire Angel, je pense. Voilà. Riley, vous avez un avis peut-être sur ce podcast Moi, j'ai pas trop aimé. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elles se moquaient beaucoup de la série. Je demande pas des infos, mais. T'as l'impression qu'elles sont là pour. En fait, il y avait un côté. C'est très con de dire ça, mais en fait elle respecte, c'est pas qu'il y a un respect de la série, mais c'est qu'elle regarde en se moquant, du coup ça m'intéresse pas en fait, moi ça m'a pas fait super marrer, voilà. D'accord, bah moi je... Qu'est-ce que je dise de plus, il y a pas la rubrique de Clémence, c'est voilà. Déjà, oui, déjà c'est ça monte. Simplement ça a le mérite d'être un podcast sur Buffy en français, donc c'est déjà clairement. Ça. Non voilà, c'est un podcast sur Buffy en français, donc ça voilà. S'écoute direct, c'est juste que moi ça m'a pas... Ça m'a pas super plu. Ouais, c'est ça, je pense. Dommage. Que c'est... Je pense que c'est très, emballé, ouais. C'est très subjectif. Hein. Ouais, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai conscience que ça. Je comprends pas même moi pourquoi j'ai rigolé, mais parce que leur humour. En fait, il y a Deux Heures de Perdu qui est un podcast sur le cinéma qui est dans le même genre, en fait. Moi, déjà, ça me fait parier, en fait. Enfin, c'est juste, ils se moquent du film avec beaucoup de mauvaise foi et tout, et ils l'assument. Mais si tu rentres pas dans le délire, du coup, alors, tu passes à côté. En fait, là, elles font pas que se moquer. Hein. Oui, mais j'ai pas écouté les 6 épisodes, j'avoue. Peut-être que ça s'améliore, sûrement d'ailleurs, ça s'améliore. Non, mais il y a plein de moments de l'épisode où elles disent ah bah ouais, c'est trop bien cette scène parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça. Je doute pas qu'elles soient vraiment fans de. Notamment Agathe, dont je crois que tu présentais, qui est sûrement vraiment très fan de la série, ça, c'est pour faire un podcast dessus. Voilà, Moi je l'ai pris comme ça, comme des personnes qui font des blagues sur ma série préférée. Ouais. Et comme j'aime leur humour, ça a complètement marché sur moi, mais voilà. Oui, allez, c'est une soirée entre potes en fait qu'on ouais, entend. Ouais, c'est direct. Vrai, ouais, complètement. Ouais. Allez, jeter une soirée. Mais on n'a qu'à les inviter au podcast et on pourra discuter avec elles du concept. Peut-être un crossover bientôt. Un crossover entre podcast Buffy et français. Quelqu'un d'autre a écouté le podcast Bienvenue à Sunnydale? Bah, allez écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Clément, est-ce que vous avez un système Buffy? Tu vas aimer ça? Non, pas cette fois, chef. Riley, vous avez quelque chose? Carrément, moi j'ai. Ouais, j'ai vu une série qui s'appelle Midnight Mass, Sermon de minuit, qui est passée sur Netflix, une mini-série. Et je vous en parle parce que le héros de la série, vous savez comment il s'appelle ? Jace ? Spike ? Il s'appelle Riley Flynn. Ah, génial ! C'est pas incroyable, c'est ça ? Magnifique. Ils sont pas allés bien loin. Et dedans, il y a des trucs un peu fantastiques, et devinez ce que c'est ? Des vampires ? Mais oui ! Ah, génial ! Moi, je pense que le mec qui a fait la série, il a forcément vu Buffy. Riley Flynn avec des vampires, oui. Ah oui. C'est pas ça qui est important, c'est donc une série de Mike Flanagan qui est sortie en 2021, donc cette année. C'est tout récent. Oui. Et donc c'est l'histoire de Riley Flynn qui sort de prison, qui retourne vivre sur une île, l'île sur laquelle il a grandi avec ses parents qui sont très pieux, qui sont très catholiques. En fait, tu te rends compte que tous les habitants de cette île sont très catholiques. Et on va découvrir. Je vais revenir après sur le rythme de la série, mais on va découvrir tous ces personnages qui, du coup, vivent, hein, tout simplement, qui vont à l'église tous les dimanches et tout ça. Et ce Riley qui essaye de se réintégrer, et en même temps, le nouveau prêtre de l'île, qui est un petit peu bizarre. Il s'appellerait pas Caleb par hasard ? Non, il s'appelle Paul. Donc c'est un peu moins bien, mais. Paul. Il fait des miracles, il y a tout un mystère autour de lui, et c'est là que la série commence. Et en fait, j'ai trouvé ça excellent. En fait, ça va crescendo, c'est qu'au début, tu te fais chier, en fait. Ça, c'est mon point. Non, mais c'est vrai. Exposition. Non, mais c'est très très beau. Ce Mike Flanagan, il c'est un très bon réalisateur, je pense. Mais il a fait quoi d'autre, ce Mike Flanagan? Alors, il a fait Hunting on the Hill House. C'est lui qui a fait Hunting on the Hill House. Il a fait un film dont j'ai déjà parlé dans le podcast, qui s'appelle Hush, qui est un film sur Home Invasion avec une femme sourde. Enfin, il a beaucoup de talent, ce mec. Là, il prend vraiment des risques, parce qu'il va à l'opposé de ce qu'on peut voir dans les séries Netflix qui sont. Très binge-watch, qui sont très... C'est beaucoup de l'ambiance et du... Mais là, c'est exactement ça. C'est de l'ambiance, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de développement de personnages, parce qu'en fait, ce Riley Flynn, il est génial, mais c'est le héros par lequel on arrive sur cette île, mais on va découvrir tous les autres personnages. Et en fait, si vous regardez la série, si vous vous accrochez, on est récompensé. En fait, c'est ça. J'ai beaucoup aimé ce... C'est une série fantastique, mais pas trop. Et plus tu avances, plus tu regardes la série, plus tu te dis, mais ça se passe des trucs de plus en plus dingues. Les persos, ils font tous des trucs de plus en plus fous, et bah, parce que t'as allé jusqu'à cet épisode 7. Enfin, même les trois derniers sont quand même complètement fous, mais ça vaut le coup, c'est un fantastique très très fort, un peu à la Stephen King. Je sais pas comment dire, c'est plutôt le quotidien, et d'un coup ça bascule complètement, et il y a toute une histoire de vampire, donc forcément ça peut nous plaire. Qui est interprété aussi d'une façon très. Ce qu'on n'a pas du tout dans Buffy, ou presque pas, le côté religieux en fait du vampire, tout ce rapport à la croix quand il se fait brûler, pourquoi c'est une croix. D'ailleurs, t'en parles dans ta traduction en faux cheval. Bref, excellente série, j'ai pas du tout lu ce que j'ai écrit. Tu nous rappelles Tu nous rappelles le titre? Si, il y a un dernier truc. Ce mec-là, il est super fort en fait. Enfin, il parle toujours de la même chose finalement. Il parle du deuil, de la famille, de la foi, et ça revient dans tous ses projets, que ce soit des séries, des films. Qui sont pourtant diffusés sur Netflix, qui on fait pas gaffe aux réalisateurs parce que le générique on peut le zapper en fait à la fin par exemple. Excellent. Et ah oui, et c'est toujours les mêmes acteurs. Si vous avez aimé Hunting on Hill House, c'est les mêmes acteurs. Il y a une sorte de, c'est sa femme qui joue toujours les rôles principaux, Kate Siegel. Et en fait, même au-delà de sa femme, il y a tout plein de gens. Je pense que c'est une troupe. Il y a tout un côté de Joss Whedon. Il y a une troupe autour de lui d'acteurs. Qui gravite dans tout ce qu'il fait, même s'il fait pas de série longue, c'est vraiment cool. Voilà. Tu nous rappelles le titre de la série? Oui, c'est Midnight Mass, Sermon de minuit en VF. Et ça se regarde sur les internets, sur Netflix. Sur Netflix ou sur torrent. Pirate Bay. Pirate Bay. Maureen, vous aviez un site un peu futé, aimé ça. Oui, moi, en me baladant dans Paris récemment, je suis tombée sur un hôtel qui s'appelle l'hôtel Cordélia. Génial. À Paris. Incroyable. Il est situé U11 rue Greffule, dans le 8e arrondissement, en face du Théâtre Michel. Donc effectivement, en sortant du Théâtre Michel, j'ai vu l'hôtel Cordélia et tu je me testé, suis dit quand même... Non, la literie peut-être. Non, non, pas encore, mais du coup, je me demande si on se présente en disant qu'on est fan de Buffy. Je crois que ça va être Cordélia à cause de Buffy. Il y a un discount ou pas. Ça serait bien. Mais voilà, il y a un hôtel, voilà, avis aux Parisiens, si vous avez envie de faire une petite balade rigolote, et ben... En face du Théâtre Michel, 11 rue Greffule dans le 8e, il y a l'hôtel Cordélia, voilà. Et sinon, non, dans les trucs de Buffy, non, non, c'est trop éloigné. Genre Freddy Prinze Jr., le mari de Sarah Michelle Gellar, vient de lancer un podcast ah sur... Ouais, ouais, Freddy Prinze Jr. vient de lancer un podcast sur son amour pour la lutte. Ça, c'est un improbable. Background, il a un background dans la lutte. Et de lutteur, de lutteur, et donc du coup, et je sais plus le podcast, je sais plus comment il s'appelle, mais je pense qu'on peut le trouver sur tous les. Bah, moi, je rebondis sur ton site Buffy. Moi, il y a genre trois semaines, j'ai vu le film Elle est trop bien. Avec Freddy. Dans lequel Freddy ah bah oui, joue. Il y a Sarah Michelle. Et dans lequel Sarah Michelle Gellar fait une apparition. Une micro-apparition à la cantine. Il est trop bien. Parce que le film, ils se sont rencontrés sur souviens-toi l'été dernier. Et le film est tourné après. Et surtout, le film est tourné au même endroit à Torrance, dans le lycée de Torrance, le lycée de Buffy. Et de Beverly Hills. Et Buffy apparaît un quart de seconde dans un plan dans la cantine, dans une scène horrible avec une sorte de pizza et de poils. Enfin, c'est j'ai pas eu pizza ce soir. Voilà, enfin film étonnant que moi j'avais jamais vu, qui est pas elle si est trop bien. Ah ben ouais, she's on the Bah tu as des goûts de merde, on peut le dire. Ils ont fait une version inverse ouais. Là, sur Netflix, ils ont fait le reboot, il est trop bien. T'as vu ? Non, j'ai pas vu. Ah non, mais il faut boycotter, à fond la caisse. Okay. Non, il faut. Alors si vous n'avez pas aimé, elle est trop bien, ne regardez probablement pas, il est trop bien. Mais allez voir, elle est trop bien, il est marrant. Ça n'a ni queue ni tête, et parfois c'est drôle. Non mais c'est un cinéma. C'est un c'est du teen movie ouais qui s'inscrit dans ça date de 1999, c'est là où il y avait tout l'American Pie les il y a des scènes intéressantes. Les Bring It On et tout ça. Non, c'est American Pie c'est mieux. Ouais. Bah oui. Rimomo. Alors, Rimomo, moi j'ai deux petites recommandations. C'est beaucoup trop. Non, mais elles sont toutes petites. C'est une créatrice de bijoux, Miss Kitty Cat, qui fait des bijoux, des colliers, des customisations Buffy. Ah, tu nous présentes ça. Tu nous montres à l'audio. Montre-nous à l'audio. Montre-nous au micro, tu as toi-même un exemplaire. Vous voyez bien dans le micro. Enfin, là, par exemple, celui que j'ai, il y en a 5 qui existent dans le monde, hein, donc c'est rare. Ah ouais, d'accord. Il y a même un collier. Et ça, c'est une caméra, tu peux mettre. Ah bah voilà, il y a un. Je parle dans le micro. Mais oui. Il y a même un collier avec le couteau de Face. Elle fait aussi des customisations des. Non, il y a pas le petit de Jace malheureusement. Mais tu peux faire des commandes. Donc tu peux. C'est à la demande. On tient quelque chose. C'est à la demande. Tu peux faire des customisations de figurines pop, de rock candy. Alors je ne sais pas ce que sont des rock candy, donc les connaisseurs sachons, hein, voilà. Mais c'est à la demande. J'ai vu qu'elle faisait pour les séries Buffy, Angel, Charmed, Stargate, Camelot. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Et mon autre toute petite recommandation, c'est le livre Claire Stats. Dedans, il y a Stats. Avec un S. Stats. Voilà, t'étais à l'école d'anglais de Sarpan, toi. Exactement. On parle le même anglais. Moi, je le comprends quand il parle. Oui, Mais oui, moi je le traduis. C'est vrai qu'elle traduit du certain. Mais oui, non mais ce livre il est assez drôle parce qu'il y a plein de graphiques, de statistiques. Alors bah, c'est des statistiques sur Buffy, sur la série des Buffy. Oui, des statistiques un peu inutiles. Par exemple, combien de fois la maison de Buffy a été détruite. Enfin, combien de fois tel personnage apparaît. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Il y a des chronologies aussi. On voit toute la chronologie d'Angel. Enfin, de chacun des personnages. Enfin, c'est très drôle. Au début, les dessins me plaisaient moins. Mais en fait si, finalement j'ai accroché, voilà, je dis que j'ai changé d'avis, voilà, c'est très drôle, c'est en anglais, mais c'est quand même très facile à lire, moi qui ai du mal avec l'anglais, on lit ça facilement, c'est des petites phrases, et c'est très très drôle. Ok, et eh bien on note donc Slayer Stat, donc un livre avec plein d'infos sur, voilà. Sur et c'est très drôle. Enfant cheval, un petit système Buffy. Alors, vous retenez que j'avais pas du tout préparé cette rubrique, mais il y a un film dont j'aimerais bien parler, qui est pas forcément un système Buffy, mais que je mets plus en parallèle avec l'épisode d'Angel, qui s'appelle Onibaba, qui est un film japonais de 1966, réalisé par Kaneto Shindo. Et c'est un film, en fait, qui va parler un peu de toutes les pulsions humaines, donc la nourriture, la mort, la sexualité, qui viennent faire ressurgir des démons dans notre monde pour nous hanter et nous punir de nos actes. Et c'est matérialisé par des démons, on les voit là? Ouais, exactement, ouais. Il y en a un en particulier qu'on voit assez tardivement, mais qui est matérialisé comme ça, et qui était hyper intéressant. Et que je trouve que c'est un parallèle assez intéressant avec l'épisode en particulier qu'on vient de voir ce soir. Donc, tu nous rappelles le titre ? Onibaba. D'accord. À trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Exactement. En France 2, sur Salto, sur Salto, ça, sur Salto. C'est sûrement sur Salto. C'est forcément sur Salto. Bien sûr. Il est très tard, hein, je sais pas vous, mais c'est l'heure non, de bah, c'est l'heure de dormir, la même heure. C'est l'heure du Dijon, hein, c'est l'heure de laisser nos extraordinaires auditeurs et auditrices qui nous ont suivis en live pendant plus de deux heures. Merci beaucoup. Encore énormément de monde. Le chat. 40 voleurs magnifiques. Le chat Twitch, donc merci beaucoup d'être venu sur Merci. Et gros bisous à Kinourid. Oui, le nouveau de loin. Kinourid. Elle est partie se coucher il y a longtemps, Kinourid. Ah bon? Ouais. Ah mince. J'ai suivi sur le chat. Elle reviendra dans le podcast, elle aura le droit à son invitation. Ah bah oui, qu'elle se rétablisse bien. Pensez à nous mettre 5 étoiles oui. sur iTunes pour rester informé. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Sboofy Summers, merci. Sur Instagram même. Agathe qui était là, merci. Sur le Discord, sur LinkedIn, on a un LinkedIn, il paraît. C'est vrai. On a un TikTok et un LinkedIn et je suis en train de nous inscrire sur des sites un peu obscurs. On peut gagner des bitcoins. Oula. On peut nous retrouver partout. J'ai utilisé la carte bancaire de Sarvan, donc c'est bon. Ça va alors. C'est bon. On vous embrasse très fort. Une très belle année 2022 ouais. à tout le monde. Merci. Bah, joyeux Noël. Bonne année. Ouais. Belle fête. Et des gros bisous. Et des gros bisous. On revient bientôt en podcast. On revient dans 6 mois. En février. En février. En revient en février. On est obligé. On fait un podcast complètement exceptionnel. Un podcast raclette. On est obligé. Un podcast raclette. Ça va être la folie. Pourquoi? Il y aura même D'Artagnan qui sera là. On peut s'inviter à la raclette? Ouais. C'est à l'étranger. Bah, c'est à l'étranger. Ah, il faut parler allemand. Il faut parler allemand et prendre le train. Donc, si t'as ton passe sanitaire. Ah bah oui, je l'ai. À négocier avec les gens. Allez, et puis merci à nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir invité. Et un gros bisou à tout le monde. Allez tous. Salut. Bisous.